Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode 46. Sans transition aucune, je procède au rappel traditionnel de notre émission. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse email démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je vous invite aussi, c'est très important, pour nous soutenir, pour que ça continue, de nous faire des dons en crypto-monnaie, Monero exclusivement. C'est la crypto-monnaie qu'on utilise, elle garantit l'anonymat intégral de nos donateurs. Vous pouvez suivre le mode explicatif pour nous faire des dons sur la partie droite du site Démocratie Participative, qui en ce moment est en point best, c'est le nouveau nom de domaine, mais sachez que le point TW est et sera toujours disponible. Donc si jamais il y a un problème avec l'URL en clair sur le web français, vous pouvez toujours vous replier sur le point TW, ou tout simplement y aller directement. Plus l'Oignon Tor aussi, dont l'adresse est disponible toujours sur la partie droite du site Démocratie Participative. L'Oignon Tor, c'est simplement voilà, pour entrer directement l'adresse du site dans le navigateur Tor, pour ceux qui connaissent, donc un navigateur qui crypte et qui garantit votre anonymat. Voilà. Donc, sous VPN, t.w ou, en clair, .best. Voilà. Les rappels sont faits, donc soutenez-nous vraiment, j'insiste. On a reçu au moins un don cette semaine, il y a au moins un donateur qui s'est manifesté, il y a sûrement d'autres personnes qui ont fait des dons. Donc ça c'est Tustine qui nous écrit, voici ce qu'il nous dit, je viens de vous envoyer 2,28 Monero exactement, pas plus pas moins car c'est tout ce que j'avais sur mon wallet en ce moment. On remercie beaucoup Tustine pour son soutien, ça nous fait plaisir. Je procède maintenant à la présentation des membres de cette semaine, on est dans une équipe un peu plus réduite, on est 4 très exactement, et je commence sans transition aucune avec Pierrot qui nous fait le plaisir, comme chaque semaine, d'être avec nous. Salut Pierrot. Salut Gandalf, salut à tous. Fulbert nous fait le plaisir d'être avec nous cette semaine aussi. Je sais qu'il est très occupé, il a repris les travaux sur sa cave, mais il a fait une pause pour être avec nous et pour dire tout le bien qu'il pense des Juifs. Comment vas-tu Fulbert? Eh bien, Fulbert va bien, merci Gandalf, et bonjour à toi et à tous. Merci Fulbert. Enfin, Derek, présent comme d'habitude. Salut Derek, j'espère que tu vas bien. Je ne te présente plus, je pense que maintenant que oui, tu oui, es... Mes titres, oui, mes titres honorifiques sont dorénavant connus, hein, du cardinal au prophète, au maître docteur d'université. Tout à fait. Donc oui, oui, écoute, ça va très bien. J'étais très heureux cette semaine de voir sur Twitter une tendance. Oui, hein, un blitzkrieg. Appelant, un blitzkrieg voilà, du hashtag. Un tweetstorm, oui, un tweetstorm. Tweetstorm, blitzkrieg, ouais. Je ne sais pas, mais oui, oui, c'était très intéressant. Donc, voilà, ben, merci. Peut-être une croix de fer globale, si c'est possible. Croix de fer globale. Ouais, oui, croix de fer collective, oui. Oui, croix de fer collective, c'était bien. Je crois que la fréquentation, en plus, sur le nouveau nom de domaine a été très... Au grand dame des Juifs, effectivement. Oui, oui, ah, oui, oui, ah, oui, oui, pour le coup, c'est-à-dire qu'on a changé le nom de domaine et on a eu une un assez bon afflux de Ah oui, non, ça se passe très bien. visiteurs, quoi. Ah oui, non, Ah oui. il n'y a aucune perte. Non, il y a eu un gain cette semaine, en fait. Il y a eu un gain, du coup, il y a eu un gain. Hein, ouais. Il y a eu un gain. Donc, non, Un non, bon gain. donc, je répète, hein, pour nos auditeurs, il y aura toujours deux noms de domaine, donc infix, le point TW. Donc, si jamais il y a un pépin sur, voilà, sur le nom de domaine en clair, point TW. Voilà. Oui, Retenez c'est-à-dire que ça, et voilà, sur. Voilà. Oui, sous réserve que vous soyez sous un VPN ou que vous ayez changé vos DNS, hein, Bien sûr. puisque sinon, si vos fournisseurs d'accès bloquent l'accès au nom de domaine, vous ne pouvez pas y accéder, quoi. Ouais, d'ailleurs, moi je recommande toujours d'avoir adopté les VPN, hein, sérieusement, parce que ils deviennent de plus en plus Très agressifs. pratique. Non, pas seulement contre nous, je veux dire, d'une manière générale, je veux dire, ils deviennent de plus en plus agressifs, donc de toute façon, il est préférable d'avoir un VPN. Donc adoptez le VPN, je veux dire, vous avez des très bons plans sur Internet. Il y en a plusieurs, hein, mais je sais que NordVPN est un bon VPN, par exemple, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, voilà. Donc renseignez-vous. Il y a des sites qui en parlent très bien, vous savez, avec le pour et le contre. Donc vous pouvez vous faire votre propre religion sur le sujet. Bon, messieurs, je vous propose, hein, d'attaquer le dur. Et c'est la rubrique numéro 1, courrier des lecteurs, qui est très étoffée, traditionnellement maintenant. Alors, le premier courrier. Alors ça, c'est Fredo qui nous écrit, c'est en réaction à la partie sur les chiens la semaine dernière, vous vous rappelez de ça? Hein? Ouais, Tout à fait. voilà. Donc en fait, bah, Fredo est un peu de la partie et il a des conseils à nous donner. Alors, bonjour chers amis démocrates participatifs. Tout d'abord, je tiens à vous faire savoir que je me suis un peu plongé dans l'univers obscur de la crypto-monnaie afin de vous verser une contribution pour votre excellent travail. Cela n'est pas simple pour un néophyte comme moi, mais laissez-moi un peu de temps et je vous ferai parvenir un don en Monero afin de vous aider à poursuivre votre honorable mission. Après l'écoute de votre dernière émission, je me sens investi d'un devoir vis-à-vis de nos camarades démocrates qui, comme moi, se régalent en vous écoutant chaque semaine. En effet, vous avez abordé un thème qui me tient à cœur et dans lequel je peux apporter une contribution utile. Je suis un passionné du monde canin et plus particulièrement de la race des bergers belges malinois. Je vous joins quelques photos de mon dernier mâle âgé de 12 mois tout juste, donc c'est vrai, il nous a envoyé des photos. Il est beau, vif, courageux et j'en suis fier. Je suis de ceux qui considèrent que le malinois est la race parfaite, tant pour ses aptitudes physiques extraordinaires que pour son mental d'acier. Ce sont des chiens qui bénéficient de 150 ans de sélection visant à en faire de vraies bêtes de compétition. Ceci dit, pour en revenir à votre discussion, il est très important d'apporter quelques conseils et, si possible, de renseigner nos camarades qui souhaitent acquérir un chien de défense. Cela ne doit pas se faire à la légère. Qu'ils aient bien conscience que certaines races demandent un travail quotidien, il insiste, quotidien. Car tout simplement, ce sont des chiens de travail, et il insiste encore, de travail. Pour faire court, on ne prend pas un tel chien pour le laisser seul dans son jardin ou pire, dans son logement, sans y consacrer au moins une heure ou deux tous les jours. Donc au moins plus la sortie, vous voyez. Hein. Il y a un vrai boulot à faire sur l'éducation du chien et les devoirs du maître vis-à-vis de ce dernier, y compris dans la posture, l'attitude et la rigueur que l'on se doit de respecter avec lui. Vous n'imaginez pas le nombre de Malinois qui peuplent les refuges en France, le plus souvent parce que les premiers propriétaires ont fait n'importe quoi avec leur chien. Ne nous comportons pas comme de vulgaires crouilles, par pitié. Il n'y a malheureusement pas suffisamment de professionnels pour les récupérer et les préparer à une carrière chez les forces de l'ordre ou les boîtes de sécurité privées. Je serais très content de pouvoir apporter mes modestes conseils à vos éditeurs s'ils souhaitent se renseigner avant de s'engager dans une très belle aventure avec un chien. N'hésitez pas à transmettre, alors bon, les coordonnées, etc. Bon, ça va être un peu difficile, mais on pourra au moins en feedback éventuellement transmettre des questions si des auditeurs en ont. Donc je reprends. Voilà. Alors, qu'ils soient très méfiants avec les éducateurs canins. Il y en a de très bons, mais il y a également une quantité de charlots qui parlent de méthodes positives et autres détresses acquises à fuir. Je ne parlerai même pas des soi-disant comportementalistes canins, car votre bon sens doit allumer les voyants rouges de votre cerveau. Ça sent le nez crochu à 100 bornes. Pour finir, j'ai bien conscience que je suis un peu long et je vous prie de m'en excuser. Je tiens à porter à la connaissance du plus grand nombre que, d'une part, les grands chiens en appartement ne constituent pas forcément un problème. Charge au maître de leur offrir un maximum de sorties et de partager des activités sportives avec eux. D'autre part, il est très important de bien choisir son ou ses chiens en fonction de ses disponibilités et de ce que l'on attend de lui. Il existe des races très efficaces pour la garde, telles que le bosseron, grande vigilance sur l'élevage, ou le mastiff, par exemple, qui sont moins gourmands en activité et en présence du maître. Il y aurait encore beaucoup à dire entre autres sur les chiens catégorisés, mais j'arrête ici car le sujet est trop vaste pour être développé dans ce message. Longue vie ADP, gloire aux Malinois mangeurs de calife, Sikael. Et donc c'était Fredo qui nous écrivait. Qui veut réagir à ce courrier de notre auditeur vigilant? Bah, moi je note, ouais. Par rapport à ce que j'avais dit la semaine dernière, du coup, donc, notre auditeur qui a l'air bien calé sur la question. Nous indique que oui, même un chien en appartement, ça, c'est pas forcément quelque chose de, comment dire, d'improbable, quoi. Ça peut se faire si effectivement tu sors bien le chien et tu t'en occupes bien, donc pourquoi pas. Je note cette précision-là de l'auditeur. Pierrot ? Oui, moi je voulais à nouveau confirmer finalement l'utilité de cette option. Pour les gens qui veulent se défendre, moi je trouve ça effectivement plus malin d'avoir un chien que d'avoir une arme et d'avoir des emmerdes. Voilà, le chien c'est légal. Personnellement, par manque de temps et puis d'espace, je pourrais pas avoir un chien de défense. Mais ouais, faut aussi penser peut-être aussi au côté dissuasif, quoi. Donc, vous savez, je suis pas un bagarreur, mais je pense pas non plus reculer devant une épreuve. Par contre, si j'ai un chien en face de moi qui est un peu massif, franchement, je vous le dis, hein, je fais pas le fier, je cherche à esquiver le truc, quoi. Et donc, finalement, comme au jeu d'échecs, parfois la menace est plus forte que l'exécution. Donc, un gros chien suffirait, quoi. Voilà. Bon, aussi, effectivement, comme l'a dit notre internaute, faut aussi avoir un certain caractère pour les maîtriser, quoi. Moi, perso, je pense que j'ai cette faiblesse-là, c'est que je pourrais pas trop. Être trop ferme tout le temps avec un chien, ça demande déjà un effort, c'est pas mon caractère. Et si vous avez un chien que vous contrôlez pas, en fait, vous êtes en danger, donc il faut aussi penser à ça. Tout à fait. Fulbert, une réaction ou pas particulièrement? Non, je ne connais pas le monde des chiens, je ne connais pas les chiens, et voilà quoi. D'accord. Oui, je pense quand même que c'est intéressant d'avoir un chien à plus d'un titre, et c'est quand même un investissement en temps qui vaut la peine aussi en matière de dressage. C'est-à-dire, vous pouvez aller effectivement avec des dresseurs, apprendre à vous familiariser avec votre chien, ses capacités, etc. Bon, je pense qu'on apprend beaucoup de choses. D'une manière générale, on apprend beaucoup de choses au contact des animaux. Peu importe l'animal, en fait. Il y a toujours quelque chose qu'on retire, je veux dire, humainement. Et ensuite, ça peut créer une complicité beaucoup plus grande que simplement d'avoir un chien. Bon. Mais l'application, ici, elle est pratique. C'est surtout ça qui nous intéresse. Quand on est dans un environnement, faut appeler un chat ethniquement hostile, il est quand même bien de renforcer sa sécurité. Alors, il y a des pièges, par contre, avec les chiens. Par exemple, ces saloperies de Rome sont très familiers de ça. C'est d'empoisonner les chiens. Donc les chiens en milieu ouvert, vous savez, par exemple dans votre jardin, sur votre propriété, etc., ça peut avoir un effet dissuasif avec le kidam, mais les voleurs professionnels comme les tziganes savent parfaitement comment faire. Ils jettent un morceau de barbac empoisonné au clébard et ils clamsent. Donc vous voyez, il y a toute une série de choses à évaluer au préalable. Donc le chien a des points de faiblesse aussi, hein, il faut voir ça. En appartement, en fait, dans la mesure où l'environnement est totalement clos, on peut pas approcher votre chien sans vous ayez l'œil dessus, c'est strictement impossible, quoi. J'ai connu des amis qui avaient des gros chiens dans un appartement qui n'était pas des gros appartements. Le chien prend de la place, mais, comment dire, il apprend où est sa place, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il sait où est son espace, et à partir de ce moment-là, il va pas non plus totalement empiéter sur l'espace, j'allais dire, des hommes, quoi. Alors après, J'entends aussi qu'on n'a pas forcément envie d'avoir un gros toutou dans le salon, etc. Bon, là, voilà, ça peut se comprendre. Mais quand on n'a pas forcément un voisinage très avenant, je vous assure qu'on fait très vite fi des poils qui peuvent traîner ici ou là et s'accommoder d'un gros mastoc, à mon avis, quoi. Donc voilà, je pense que ça mérite à tout le moins une étude de la part de nos auditeurs qui se pose justement ce type de questions. Voilà, mon domicile, comment je le protège, j'ai des gamins, etc. Il y a aussi le rapport avec les gosses. Faut pas que le chien il traverse une crise de folie, etc. Donc voilà, il y a toute une série de choses à évaluer, mais quand même, le chien est une excellente arme. Et comme l'a très bien dit Pierrot, c'est une arme légale. Voilà. Puis en plus, quand vous sortez, vous savez, quand vous sortez, promenez votre clébard. Tous les bougnoules vous voient sortir avec votre gros clébard. Vous voyez, et si vous en avez deux, ils vous voient encore plus avec vos clébards. Et ils ont tendance à pas vous aimer, vous voyez, mais ils se tiennent à distance, donc c'est toujours bon à savoir, quoi. Alors si en plus ils sont dressés et tout, c'est encore mieux. Voilà. Si des auditeurs ont une expérience là-dessus, hein, qui n'hésitent pas à se manifester, qui n'hésitent pas à nous dire, voilà, je connais la partie, j'ai fait dresser mon chien telle ou telle façon, je recommande telle ou telle façon de s'y prendre, quoi. Voilà. Bon. On remercie en tout cas Fredo de nous avoir écrit et d'avoir réagi donc à l'émission de la semaine dernière. Messieurs, deuxième courrier, c'est le courrier d'un auditeur qui nous écoute depuis longtemps et qui est aujourd'hui, si j'ai bien compris, aujourd'hui est actuellement sans domicile fixe ou en tout cas dans une situation très précaire. Alors, il faut parler de... Pourquoi c'est important d'en parler? C'est parce qu'il y a des gens qui sont en situation personnelle très difficile. Et c'est d'autant plus indécent et obscène que vous savez par ailleurs tout le soin que Emmanuel Macron prend à importer et accueillir des nègres, des Algériens qui s'empressent bien évidemment de cracher sur la France dès qu'il y a la première occasion. À peine arrivé, au bout de 3 mois, il commence déjà à essayer de violer. Donc, il faut parler de cette souffrance, de ces difficultés qui ne sont pour ainsi dire jamais abordées. Donc, on a un auditeur qui nous écrit et qui nous dit ceci. Alors, il n'a pas de bol, hein, parce qu'il vit en territoire islamique. Il y a pas d'autre terme, hein, pas d'autre terme, puisqu'il nous écrit de Roubaix. Bonjour les démocrates, je vous écris ce petit courrier. Je vous suis depuis environ 3 ans et même avant sur différents sites. Ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup bougé, on en a parlé. Je m'appelle Robert, j'ai 50 ans, je suis un white de souche en ville islamisée. Je vous le donne dans le mille, Roubaix, Alger, Ah ouais. pour les intimes. Chaud, hein. Je vis ou survis donc au milieu des Nioules, Bachers et autres Belphégors. Contrairement à ce que vous pourriez penser, je suis toujours étonné que le resto du centre-ville, d'Eurotéléporte, ose encore servir et ouvrir son bar et sa terrasse, le Brouteux, le nom du bar, les jours de Ramadan, pour les petits whites qu'il reste encore au milieu des qui restent encore ou les sales mécréants, voire apostats qui auraient soif. Peut-être est-ce dû au fait que ce centre est filmé sur les abords du tram. Bien sûr, on trouve en face le fameux premier quick halal de France, qui lui ferme ses portes le jour du Ramadan, visant exclusivement la clientèle bougnoulisée, délaissant et méprisant les petits whites qui auraient faim. Ça, c'est un fait, hein, le premier quick halal de France, Roubaix. Maintenant, ça s'est généralisé, mais c'est le premier de France, hein, c'est tout à fait juste. Hein. Alors, ouais. Ouais, non, enfin, ça s'est plus généralisé puisqu'en fait, ça a plus ou moins disparu, Quick, hein. Il n'a Oui, presque enfin, ça a été plus. repris, mais par contre, les standards halal, ils ont été conservés. Burger King, il y a du bacon partout, hein. Non, Ah, ben, je Bah, pense ils font du truc vegan maintenant, parce que du coup, le à vegan, ça parle à tout le monde, entre mon avis, guillemets. à Roubaix, c'est halal, hein, mon pote. Hein. C'est possible. Non, mais c'est possible qu'ils aient encore gardé le Quick. Il y a certains coins où il y a encore des Quick, il y en a peut-être une trentaine en France encore, mais ça, oui, c'est possible que ça soit resté caché à halal, quoi. Non, mais c'est impossible parce que je te dis ça, c'est très simple. C'est dans ces villes-là, si jamais le restaurant il se mettait à servir un truc normal, il Ah y ben, aurait il y plus a de plus clients, il personne, fait plus faillite. Voilà, personne, c'est oui, ça. bien Donc sûr. voilà. Alors je reprends donc le courrier de notre auditeur. Il va sans dire que les commerces bougnoliques sont fermés les jours de Ramadan, donc là il parle des autres commerces, quoi. Du matin au soir, les whites n'ayant qu'à aller se faire foutre. Je suis encore surpris qu'on ose vendre du porc dans les Aldi de Roubaix. Si ces magasins n'existaient pas, merci aux Allemands, tous les commerces seraient fermés pour les sales blancos. La résistance allemande les... se manifeste. Alors, nous avons aussi une petite communauté asiatique qui, bizarrement, n'est pas attaquée, mais je vois très peu de jeunes donc de cette communauté sortir. Les jeunes femmes, je n'en parle pas, elles ont peur de se balader dans les rues de Roubaix. C'est surtout de vieilles mamies cambodgiennes ou laotiennes qui font leurs courses au Paris Store. Eux ne donnent pas leur fric aux magasins tenus par les bougnoules, pas par racisme, mais par soutien à leur communauté. Donc je présume en fait qu'il y a d'autres commerces qui sont tenus par des Asiatiques en fait. Et c'est strict, et donc les Asiatiques vont acheter chez les Asiatiques. Voilà. Bon. Je poursuis. En ce moment, la région du Nord, donc la région du Nord, ouais, et son préfet Collabo font la chasse aux Français de souche et procèdent à une véritable purge des SDF des personnes au RSA dans la ville. De plus, ils procèdent à une traque des SDF sans adresse qui ne sont pas inscrits au Pôle emploi. Il n'y a déjà pas de travail à Roubaix, les Arabes s'occupant de monter des kebabs ou des bars à chicha tous les deux ans pour blanchir l'argent du trafic de drogue. Nous, les petits blancos, devons être la cible des rendez-vous alors que nous sommes à la rue ou hébergés dans des centres et nous sommes déjà en galère. Donc les SDF sont visés exprès pour leur couper leur maigre aide sociale et ainsi détruire ce qu'il reste de présence blanche dans cette ville d'Orient. Par contre, pour les migrants, pas de problème, il y a visiblement du fric, même si la ville en est assez épargnée. Les Arabes, donc les Arabes du cru, hein, ne voulant pas se faire bouffer leur pain pour nourrir d'autres nègres. Je n'ai pas la connaissance de l'existence d'un centre pour migrants dans la ville où ils se font très discrets. Les bougnoules ne paieront pas pour eux et les whites sont insolvables pour la plupart. Pareil pour les stages forcés ou les réunions de Pôle emploi, très peu d'Arabes, hormis quelques bâchés. Les agents de Pôle emploi, des Arabes aussi, doivent être plus complaisants avec leur farcrouille qu'avec les sales blancs que nous sommes. Voilà les amis, je vis désormais sans aucune ressource sur de maigres économies depuis plusieurs mois. Et stocks de bouffe que j'ai pu faire, quelques kilos de pâtes stockées, ayant un petit côté survivaliste sans les armes. Je ne sais pas combien de temps je pourrais tenir, je vis désormais avec une épée de Damoclès et un compteur sur la tête. Si vous avez des suggestions ou des idées, n'hésitez pas à m'en faire part. J'écouterai votre podcast pour avoir votre réponse. Bien amicalement, Robert. Bon, c'est un courrier assez difficile, il faut être sincère. D'ailleurs, je commence notre réaction par ceci. Si jamais vous êtes un auditeur et vous habitez dans la région du nord de la France, peut-être même du grand nord de la France, et que éventuellement vous avez une possibilité professionnelle pour notre auditeur, ça serait bien de vous manifester en toute discrétion, je veux dire, on fera suivre le courrier et peut-être que ça pourrait aider Robert à sortir de ce mauvais pas. Voilà, je sollicite l'entraide entre blancs dans le nord de la France. Je ne sais, Robert ne nous a pas demandé ce qu'on pouvait faire directement pour lui, il a simplement demander des suggestions, donc voilà, je vais un peu plus loin. Donc si nos auditeurs se sentent la capacité de venir en aide à un Français en difficulté, j'espère qu'ils sauront se manifester d'une façon ou d'une autre. Voilà. Bon. Une bouteille à la mer est lancée. Alors j'enchaîne en demandant leur réaction à nos participants. Qui a envie de dire quelque chose ? Allez, je commence. C'est l'histoire qui me fend un peu le cœur. Vous savez, cette semaine, on a eu quand même un cas assez exceptionnel de démagogie gouvernementale avec Édouard Philippe, qui était très heureux d'atterrir à Dakar et d'annoncer que la France va financer le TER de Dakar. Très, très heureux. Oui. Et voilà, pendant ce temps, nous, on a des gens dans la plus grande précarité et c'est des camarades blancs, quoi. Donc, ça pose quand même un souci. Ça, c'est d'ailleurs un argument que pouvait ressortir aux boomers qui sont généralement pro-immigration. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être des raisons purement économiques d'être favorable à l'immigration après la Seconde Guerre mondiale, parce que en gros, on manquait de boulot et il n'y avait pas beaucoup de gens pour faire le boulot. Okay. On peut l'entendre, cet argument. Mais je veux dire maintenant, malheureusement, hein, je regrette cette situation, mais il y a des blancs qui sont en précarité, et l'argument du genre Non, mais de toute façon, il faut des migrants parce qu'il n'y a que eux qui accepteraient de faire les boulots de merde. Ben, en fait, il est plus valable, quoi. Surtout avec un chômage de masse comme le subissons actuellement. Voilà. Oui, non, mais d'autant plus que l'immigration de travail n'a pas été l'immigration de travail, mais de peuplement, hein. Ça aurait pu. Tu as Non, mais de nombreux pays qui ont déjà. l'immigration de travail s'est terminée au milieu des années 70. Donc bon, Voilà, c'est ça. Donc, il y a il y a 40 des ans. gens des gens qui sont venus travailler un peu, on va dire, mais en fait, depuis, ils sont là, ils chient des nègres, quoi. Hein. C'est une espèce de machine, apparemment. Donc, bon, apparemment, c'est connu. Hein, suivez sur Twitter, je ne sais plus le compte Roubaix Info, je crois que ça s'appelle comme ça, ou un truc du genre. Roubaix.info, ouais. Info Ouais, Roubaix, je crois. bon, peu importe. Enfin, c'est assez facile à trouver. Vous avez tout un tas de un flux incontinu. Un flux continu de vidéos et autres reportages relatant l'ambiance. Et cette ambiance-là, ma foi, est, je pense, beaucoup plus sauvage que ce que l'on peut croiser dans n'importe quelle ville moyenne d'Afrique du Nord. C'est la jungle, hein, c'est la jungle. Donc là, notre ami Robert est dans la jungle. Il constate la chose. Oui, il a bien constaté que les clandestins, hein, les nouveaux arrivants, ne viennent pas se greffer de suite là où il n'y a plus rien, quoi. Hein. Ils viennent pas sur Roubaix. Ils vont aller ailleurs, là où il y a encore du fric à palper, quoi. Hein. Comme un virus, quoi. Le virus cherche toujours un nouvel hôte à spoiler. Et donc, voilà, il passe de d'hôte en hôte en détruisant à chaque fois son espace vital. Voilà. C'est ça, oui, c'est comme une autre petite race qui nous tourmente depuis le néolithique. Mais voilà, donc oui, c'est bon, comme tu as dit, Pierrot, assez dur au niveau du cadre de notre ami. Et au niveau de la réalité, voilà, bon, c'est ce que je constate. Donc ce coin-là c'est un sultanat, quoi. Alors, je ne sais pas si le sultan s'est déclaré, mais. Factuellement, c'est ça, quoi. Bon, ça reçoit des sous, hein. C'est financé par la Sainte République pour que ces gens pour que ces gens continuent à pulluler jusqu'à ce que c'est parce que des gens viennent les acheter ou qu'il y ait quelque chose qui permette de diminuer leur population. Alors, comment dire, je rappelle que nous sommes dans une France où il y a, il y a 2 ans, Emmanuel Macron s'était engagé à ce qu'il n'y ait plus un SDF dehors. Rappelez de ça. Il avait pris un engagement, très solennel en disant qu'il n'y aurait plus un SDF dehors pendant l'hiver. Il a fait litière, je crois, de cet engagement. En revanche, il s'est engagé à loger tous les migrants. Ça, c'est une promesse où on sent qu'il y a beaucoup plus de dynamisme, il y a beaucoup plus de volonté, là, très, très, très nettement. Donc en France, on est dans un pays, si vous voulez, où les Français, les autochtones, les Français de France, sont des citoyens de seconde zone en France. Ce sont des citoyens de seconde zone en France. Ce n'est plus leur pays. Ils vivent en France, hein, ils vivent en France, ils vivent dans le pays de leurs ancêtres, mais ce n'est plus leur État. Ils sont tolérés à la marge, voilà. Évidemment, ils doivent payer des impôts quand ils peuvent payer, mais ils sont simplement tolérés. Le roi de l'époque, c'est évidemment le juif, c'est tout à fait évident, tout à fait clair pour ceux qui auraient encore des doutes. Tout en dessous, les métèques de toutes les couleurs, musulmans principalement, mais autres nègres, bien sûr. Et puis alors vraiment tout en bas, tout en bas, tout en bas, le français, voilà, qui paye, voilà, qui paye quand il peut payer. Bon, on a fait des révolutions sanglantes pour beaucoup moins que ça, quand même, à travers l'histoire, et je crois que c'est dû à un phénomène, cette acceptation de l'abaissement, qui est un phénomène psychologique assez clair, c'est parce qu'il y a une perte d'orgueil national. Pourquoi il y a une lutte aussi systématique contre la notion de fierté, la notion d'orgueil national, dans tout le monde occidental d'ailleurs? C'est parce que quand on a une notion de ce qu'on est, de ce qu'on vaut, très exact, on ne tolère pas de se faire humilier. On ne tolère pas de se faire rabaisser par des gens hostiles. Ouais. En revanche, quand on n'a pas de sentiment national, quand on n'a pas d'orgueil national, quand on n'a pas d'honneur national, on peut se faire rabaisser éternellement, on peut devenir un paillasson, une véritable serpillière sur laquelle se torche, et c'est le cas, le dernier nègre de Guinée. Il n'y a pas de réaction. Parce qu'on n'a pas le sentiment d'avoir perdu quoi que ce soit entre-temps, vous voyez. Et je crois que c'est là la principale contribution, bien sûr, du Parti communiste, mais plus largement de la gauche, en France ces 50 dernières années, c'est d'avoir bousillé le sentiment national, l'honneur national, voilà. Et ça se traduit très concrètement par des effets comme celui-là. C'est-à-dire qu'on tolère que des Français soient considérés par les pouvoirs publics comme des déchets dans leur propre pays. Pays qui a été façonné par le travail de centaines de générations de Français. Donc là, je crois qu'il y a, une prise de conscience qui doit se formuler, et c'est pour ça que ce témoignage est particulièrement scandaleux. Deuxième chose, Roubaix. On a eu l'occasion de parler de cette ville ici, il y a plein d'autres personnes qui ont eu l'occasion de parler de Roubaix, c'est pas du tout d'aujourd'hui. Enfin, il faut quand même mesurer ce que c'est Roubaix. Alors si vous voulez savoir ce que c'est Roubaix, je vous invite, chers auditeurs, à aller sur YouTube et à taper Roubaix Ramadan 2019. Ça vaudra tous les commentaires que je pourrais faire sur la question. Vous verrez un imam, des frères musulmans, qui a participé à la récente manifestation contre l'islamophobie à Paris, où vous avez eu les cris de « Allah Akbar » scandés par Marwad Mohamed, qui est un agent du Qatar, qui est un petit émirat aussi très progressiste, qui pratique la réduction en esclavage, hein, faut quand même le savoir, mais qui est très rigoureux sur l'islam, qui finance accessoirement les pires djihadistes au Moyen-Orient. Et cet imam de Roubaix a participé à la marche, il était très satisfait, voilà. Et vous pouvez le retrouver sur YouTube, il est très présent, il est très suivi, ça fait des centaines de milliers de vues, avec la bénédiction du préfet, eh oui, du ministère de l'Intérieur, évidemment. Castaner doit être le bon socialiste, Castaner, joueur de poker, doit être très satisfait de voir la piété, jalouse des nouveaux roubaisiens. Il voit peut-être un peu moins le fait qu'il y a encore des Français à Roubaix, mais qui sont mis à la porte, littéralement, de leur propre ville. Et si vous voulez vraiment pousser le vice dans la rétrospective, vous allez sur l'INA, ina.fr, ou alors INA sur YouTube, et vous tapez Roubaix, vous allez voir des reportages dans les années 50 et 60 sur Roubaix, vous n'arriverez pas à croire que c'est une ville française aussi charmante. Vous n'en reviendrez pas, je vous l'assure. En 1921, on crée à Roubaix la première école de plein air de France. 40 000 mètres carrés de jardins, de cours, de préaux, de bâtiments. Ici sont amenés les enfants chétifs, envoyés par les établissements scolaires de la ville. Surveillé, l'enfant sortira de l'établissement plein de vie et de santé. Des centaines de petits êtres ont été ainsi arrachés à la mort grâce à cette cure d'air. Le maire et l'administration municipale arrivent pour féliciter les enfants de leur mine splendide. Monsieur le maire, au nom de tous nos petits camarades de la colonie, de nos papas et de nos mamans, nous vous remercions du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait pour nous. Ils sont venus de toute la région afin de célébrer l'Aïd el-Fitr, la rupture du jeûne, après tout un mois de privation. Une journée de prière, mais aussi de joie et de partage. À Roubaix, c'est au stade Vélodrome qu'ils se sont rassemblés pour cet événement, l'un des plus importants du calendrier musulman. Depuis le 11 septembre, l'islam radical peut légitimement nous faire peur. Alors c'est pour chercher une autre voie que celle de l'exploitation politique et du repli identitaire que nous avons entrepris ce documentaire. En commençant par Roubaix, dans le nord de la France. Oui. Les talibans vous les condamnez, oui. Par ce qu'ils ont fait aux femmes, aux enfants, vous le faites. C'est ce que frapper sa femme, taper la burqa ou je sais pas, c'est là, tout ce qu'ils font là-bas, ils flagellent ou ainsi de suite. La lapidation. Lapidation. Moi je serais dans un pays musulman, je dis oui. Pour musulmans. Bah oui, c'est une loi divine. C'est une loi divine. Couper la main à un voleur, je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est pas divine, c'est une loi. C'est une loi divine. Mais les lois, elles doivent être divines ou elles doivent être contrôlées par les hommes? Attendez, moi je parle dans un pays musulman. Dans un pays. Mais si la France devenait un pays musulman, par exemple, Roubaix, vous êtes en passe de devenir majoritaire. Si la France devenait majoritairement musulmane, la loi divine s'appliquerait? Moi, je serais un partisan, effectivement, de dire que si demain la France devient musulmane, mmh. Bah, effectivement, c'est la charia qui devrait prendre le truc. Ouais. Et alors... Juste un truc, ouais. Là, vous me faites peur. C'est vrai? Donc, c'est pour vous montrer qu'il y a une opération systématique de destruction, malheureusement, d'une ville française assez caractéristique du Nord. Et ce que ça donne une fois que le boulot est fait. Alors, la question que je me pose, c'est stop ou encore? Moi, j'ai ma réponse. Mais je pense qu'il est temps de mettre un très gros stop, vous voyez, un très gros stop, probablement viril d'ailleurs, ce stop, à terme. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire. Après, j'ai envie de solliciter aussi nos participants, soit sur ce que j'ai dit, soit sur ce que j'ai une question qui me vient. Il y a une petite communauté asiatique. Alors on a des Laotiens et des Cambodgiens. Alors j'imagine, en fait, c'est des rescapés de la victoire du communisme en Indochine. Après que les amis du Parti communiste l'aient emporté là-bas. Et maintenant, ils se retrouvent... Ils n'ont quand même pas de chance, viens. Non, franchement... ils n'ont pas de bol. Hein. Ils ont échappé à Ho Chi Minh, tu sais, puis ils se retrouvent en tête de... Enfin, entourés de... Avec les amis d'Ho Chi Minh qui ont livré la ville aux musulmans, tu vois. Oui, ouais, c'est ça. Non, mais suivre la France, je sais pas, c'est un drame quand même. D'être... Franchement, là, c'est une méditation un peu que j'ai. Vous êtes loyal à la France au XXe siècle, vous n'avez quand même pas de bol, je veux dire. Vous avez quand même pas de chance, je veux dire. Vous demandez rien, vous êtes dans vos rizières. Déjà, vous êtes français, vous êtes français d'office. Bon, déjà, on voit la gueule du pays, vous l'avez dans le cul. Les harkis, bon, on sait comment ils ont fini, peu cher. Là, oui, les asiatiques aussi. Bon, mais ouais, c'est effectif. La France aurait-elle une malédiction, je ne sais pas, ou la République peut-être. Hein, bon, la différence entre les deux est de moins en moins. Oui, c'est. Bon, ça, l'un commence à effacer l'autre, hein, parce qu'au plus le temps passe, c'est ça, ouais. Au moins il reste des choses à sauver. Hein. Bon, c'est un petit peu comme l'Église catholique. Hein. Non, mais je veux dire, pour les Asiatiques, enfin, pour les. Je veux dire, c'est... Là, je raisonne vraiment froidement, je veux dire. Vous êtes un Asiatique, vous êtes dans votre rizière. La France coloniale arrive, etc., vous jouez le jeu, vous êtes loyal, vous vous battez même, vous prenez même les armes, vous rentrez comme volontaire dans l'armée française. Il y en a eu combien dans l'armée française pendant la guerre d'Indochine, énormément, pour lutter contre les Rouges. Bon, ça se finit mal. Finalement, vous échappez au goulag, etc., vous traversez la moitié de la planète, vous arrivez en pleine France, etc., vous êtes un déraciné par définition. Et là... En fait, on vous fout dans des baraquements, plus ou moins, voilà, on vous tolère, voilà, mais en fait, on s'en fout aussi complètement de votre gueule. Voilà, la République en a rien à foutre de vous. Vous vous rendez compte, en fait, que les cocos que vous avez combattus dans votre pays d'origine sont omnipotents. Hein, c'est ça, le Parti communiste, la CGT, la presse rouge, voilà, ils font la loi. Ils importent des coupeurs de tête, et vous vous retrouvez en 2019, vous voyez, des mamies laotiennes, vous voyez, qui ont survécu à des trucs complètement fous. Qui sont dans les rues de Roubaix, qui vont dans leur petit commerce communautaire pour essayer, vous voyez, d'éviter le pire, c'est-à-dire le viol. C'est ça, en fait, hein. C'est éviter le viol. C'est le produit de la France républicaine. C'est effrayant. C'est le Liban. C'est le Liban. Non, mais je veux dire, cette capacité à produire de la misère, c'est effrayant. Vraiment, j'insiste, allez revoir Ramadan 2019 Roubaix. Allez voir ça. Il y a des drones et tout, vous serez stupéfait. Ben c'est... Oui, j'ai noté ce que disait notre auditeur sur le fait qu'il était un petit peu tourné survivalisme. Oui, ça ressemble. Ah bah là. Enfin, le récit qui nous fournit de cette région-là, de cette ville, ça ressemble à Mad Max, Fallout ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, ouais. J'ai envie de te dire, il y aurait eu une bombe sale nucléaire envoyée par Dieu sait qui. Ça serait peut-être même mieux, tu vois. Ça serait mieux passé. Je crois. Bah oui. C'est là, la bombe sale, il y a une bombe sale, elle est biologique, hein, malheureusement. Hein, c'est... oui, puis elle tue à petit feu, c'est le problème. Non, mais vous imaginez, donc dans la ville en question, là, vous avez dit bien, la plupart des Blancs sont en extrême précarité, c'est-à-dire qu'ils sont, comment dirais-je, enfin, désocialisation totale. c'était des cités ouvrières, mais il y avait du travail, il y avait une socialisation. Ces gens ont été abandonnés. Ils ont été abandonnés totalement. Le Parti communiste n'en parle pas, ça, il s'en branle. Voyez ? Et en fait, ils compensent maintenant en allant draguer ces sales métèques, etc. C'est d'une indécence. Etc. Il y a un blackout complet médiatique qui fait que toute la véritable narration des faits n'est pas du tout portée à la connaissance, ou très peu portée à la connaissance du public, et à tout le moins pas dans les bons termes. Parce qu'il y a quand même une espèce, parce que la gauche, étant perverse comme elle est, parle parfois des villes du nord, de l'ancien nord industriel qui a connu, etc. Mais c'est toujours caviardé pour qu'il n'y ait pas la lecture raciale, pour qu'on ne voit pas vraiment le jeu pervers qu'a joué la gauche, le Parti Socialiste, le Parti Communiste dans cette affaire. Bah, il te parle de ça comme d'un musée. Hein. C'est... Oui. D'ailleurs, tous les politiques qui te parlent de la grandeur de la France ou autre, ils te parlent d'un musée. Paris est un musée, tous les coins qu'on a, ce sont des musées où les touristes viennent faire des trucs. Bon, et même bon, ils arrivent même à te sortir ça pour Roubaix, quoi. C'est bon. Mais même si ça n'existe plus, on se rappelle que ça existait, que c'était bien avant. Tu vois, on va faire peut-être qu'ils vont faire un musée d'ailleurs pour dire, oui, c'était beau avant, les trucs, c'est super. Mais bon, c'est aussi bien quand même maintenant, parce que voilà, diversité, déjà. Tout change, tout évolue, mais c'est bien, tout va pour le mieux. Tu vois, bon. Ça coûtera des. Je pense qu'il y aura un projet avec beaucoup d'argent public, des chantiers réservés, avec des emplois réservés aux jeunes du quartier, désœuvrés, les pauvres. Hein. Ça me rappelle Hénin Beaumont. Vous savez, Hénin Beaumont, donc il y a le Front National qui s'est présenté, etc. Le Front National, en fait, se retrouve à récupérer en fait toutes ces villes sinistrées. Pour essayer un peu de défendre les autochtones, quoi. Mais c'est un réflexe normal, je veux dire. C'est indépendant en fait de la. Il y aurait forcément eu un réflexe Front National. C'est-à-dire qu'une fois totalement abandonné, c'est sûr que les populations autochtones se seraient révoltées électoralement, c'était inévitable. Mais ça me donne une j'ai en tête l'image. Les Juifs étaient très soucieux de la question d'Hénin Beaumont avant la conquête par le FN, qui est devenu le RN aujourd'hui. Bon, je n'ai pas besoin de revenir sur ce qu'on pense ici du RN, c'est pas le sujet. Donc, qui a été conquise par Steve Briouat et par Marine Le Pen, hein, le secteur. Hein, donc, qui est devenu un bastion électoral du RN, en tout cas jusqu'à présent. Mais pendant un moment, c'était tangent. Vous vous rappelez, Mélenchon avait été faire campagne là-bas pour essayer d'empêcher Marine Le Pen de se faire élire, si ma mémoire est exacte, en 2012. Vous vous en rappelez de ça, hein, pour conquérir la circonscription. Et à ce moment-là, il y avait beaucoup de tensions. Les Juifs étaient très soucieux parce qu'ils savent ça. Les Juifs sentent ça. Vous savez, Le parasite redoute le réveil de l'autochtone. Et il était parti sentir, humer l'air. On avait eu Finkielkraut qui était parti en prospection, etc. Mais on avait aussi eu l'UEJF, et notamment Goslan, un de ces youtres de l'UEJF. Et c'était d'une obscénité. Ils avaient eu le front, l'impudence, ces juifs, mais gras, mais gavés de blé, de l'argent des Français, hein, qui étaient partis là-bas, etc., faire un numéro d'antifascisme, etc., au vu des petites gens qui étaient là-bas, qui étaient abandonnés de tous, qui avaient plus de travail, qui était en promiscuité avec les bougnoules qui font n'importe quoi, comme dans leur bled d'origine d'ailleurs, qui violent, qui tuent, qui insultent. Ça, je voulais, comme disait Derek, allez sur Roubaix Info. Allez sur Roubaix Info sur Twitter. Vous regardez le fil d'actualité, c'est tous les jours. Vous allez voir des vidéos prises sur le fait. Et ça, ce ne sont que des insultes, des embrouilles, des clips de rap, etc. Enfin, ce n'est que ça. C'est l'enfer. Hein. C'est une ville post-française. Vous avez quand même eu ces youtres qui ont eu l'audace d'aller sur place pour aller encore essayer de culpabiliser les Français pour sauver leur mise. Ok? Donc, et sur place, les Arabes ont un toit sur la tête. Les Arabes sont logés. C'est les Blancs qui sont dehors. Mais les Arabes, ils sont logés. Hein. Donc, c'est ce que je voulais dire aussi. C'est qu'en plus de l'islamisme, en plus de l'insolence des Juifs, en plus du cynisme absolu des politiciens, vous avez des Français qui aujourd'hui dorment dehors dans cette ville, et vous avez des Arabes qui dorment au chaud, et qui peuvent donc faire leurs 5 prières quotidiennes en toute tranquillité. Voilà. Ça donne quand même à méditer hein, sur la fameuse république sociale en France. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose? Je sais que Beauvais est rongé aussi. C'est malheureusement le sort qui guette toutes les villes post-industrielles, en fait. Hein. Qui s'est déjà bien avancé. C'est révoltant. C'est absolument révoltant. Et petit point quand même sur la petite communauté asiatique dont on parlait. C'est vrai qu'ils ont quand même un bon réflexe qu'ils ont gardé. C'est qu'ils restent entre eux, ils achètent entre eux. Et malheureusement, j'ai l'impression que nous, les Blancs, on a beaucoup à apprendre là-dessus, quoi. On ferait bien d'imiter ce genre de comportement. Ouais. Bah, c'est normal, les gens ont le sentiment, vous voyez, ça me faisait marrer, ça me rappelle un propos de Rokhaya Diallo, peut-être plutôt, qui dit la France se pense encore comme un pays blanc et catholique. Vous voyez, mais, évidemment, elle le formulait sur le ton du reproche. Mais c'est vrai, nonobstant, c'est vrai. C'est-à-dire que les Français considèrent que leur pays est encore à eux. Et le problème, c'est que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc ils ont des réflexes, j'allais dire, de propriétaires, sauf qu'ils ont été expropriés. Donc là, si vous voulez, il y a un décalage, et le temps que l'adaptation arrive, entre-temps, si vous voulez, ils sont pris de court, quoi. Et du coup, bah, ils ont pas de réflexes communautaires, hein, mais il faut bien... Alors, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais on peut pas penser comme si on était une minorité sur notre propre sol. C'est sûr que c'est un recul. Mais... Quand c'est votre vérité quotidienne, qu'est-ce que vous faites? Donc, c'est un fait. Alors, oui. c'est pas un fait partout, je veux dire, c'est pas un fait dans tous les départements. Tous les... Non, enfin, pour Roubaix, c'est un fait. C'est plus qu'un fait, ouais. Donc, à ce moment-là, il faut des stratégies. Et moi, ce que je trouve absolument dramatique, c'est que les Français, malheureusement, comme ils sont accros au socialisme et au guichet social, en fait, ils sont totalement désarmés. Ils prennent pas d'initiative, ils se prennent pas en charge, etc. Pourquoi? Parce qu'ils sont totalement dépendants de ça, c'est pas facile de créer des alternatives. Et le pire, c'est que le guichet social est financé avec l'argent des Blancs. Donc, ils sont là, ils sont paralysés, il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de boulot, et surtout dans des zones sinistrées ethniquement comme ça. Créer des entreprises dans des zones comme Roubaix, vous imaginez bien, bon, voilà, c'est que des commerces ethniques, comme il dit très bien notre auditeur, quoi. C'est du kebab, du bar à chicha, c'est bidon, en fait, c'est juste pour blanchir du blé, mais sinon, il n'y a pas d'activité économique, ou très peu, voilà. Et s'il y a de l'activité économique, de toute façon, c'est du copinage politique. Il faut être copain avec un tel, un truc. Donc, malheureusement, la logique de préférence raciale n'est pas encore prévalente en France pour les Blancs, mais il va falloir vraiment s'y mettre, parce que, regardez, là c'est pas du récit, c'est pas nous qui inventons, hein. Là, c'est un auditeur qui nous écrit, voilà, je suis dans la survie, je suis à la rue, et je suis isolé. Voilà, donc... Et malheureusement, ça guette beaucoup trop de Français. Alors, je rappelle, voilà, si vous avez la possibilité d'aider, alors l'idée d'aider, c'est pas juste d'aider, donner quelque chose, c'est plutôt de donner les moyens de repartir. Si vous avez la capacité de permettre à Robert de repartir, d'une façon ou d'une autre, ça peut être un petit boulot, ça peut être... D'une façon ou d'une autre, n'hésitez pas à nous contacter, on essaiera de faire suivre en espérant que Robert réponde, bien sûr. Voilà, solidarité blanche doit prévaloir. Personne d'autre? Je passe au courrier suivant. Ok. Courrier suivant, messieurs. Troisième courrier. Salut à tous les démocrates participatifs. Je me devais de vous faire parvenir mon témoignage frais de quelques heures. Je suis un jeune homme de 22 ans, devenu démocrate participatif depuis quelques années lorsque je suis allé faire mes études dans ce trou à rat qu'est Paris. Voici pour ma présentation rapide. Maintenant, je vais vous décrire ce qui vient de m'arriver. Alors que je sortais de mon entraînement de MMA, je rentrais tranquillement en bagnole jusqu'à chez moi pour le moment, tout se passe bien, jusqu'au moment, à l'instant, où, arrivant à quelques rues de mon domicile, je remarque une voiture qui me colle au cul. En voyant cela, je reste impassible et continue ma route, mais voilà que celui-ci actionne ses pleins phares et continue de mettre une certaine pression. Pour le coup, je reste encore impassible, car je tourne dans quelques mètres. Ce que je fais lorsque tout à coup le conducteur me double dans le virage. Par réflexe, je klaxonne et râle, bien évidemment. Mais voilà que celui-ci pile et se met en travers de la route pour m'empêcher de passer. Le conducteur descend et bien évidemment, un bougnoul. Une grande perche, épais comme un cure-dent, sort en levant les bras et se rue vers ma voiture. Par coup de sang, je descends, n'étant pas d'une nature calme. Ce sale rat se rue vers moi en m'insultant et en levant les bras, probablement pour me frapper. Comme dit précédemment, manque de chance pour lui, je suis un combattant et lorsqu'il approche trop près, je l'emmène au sol avec un takedown pour les connaisseurs. Je l'ai attrapé par une jambe et les hanches, puis plaqué au sol pour ceux qui ne connaissent pas. Ce fils de chameau, probablement surpris de voir un blanc agressif, se décompose quand il me voit commencer à lever le poing vers sa face d'ignoble crouille. Je le relève et le pousse vers sa voiture, dans laquelle il remonte toujours en m'insultant, puis se barre plus vite qu'il n'en faut pour un gauchiste d'écrire un Fred sur Twitter. Cher démocrate, par mon témoignage tout chaud, je veux en venir au point suivant sur lequel peut-être d'autres participants ne seront pas d'accord, mais je souhaite tout de même l'exposer. Défendez-vous et défendez vos proches lorsque vous êtes agressé et ou que vous voyez une agression. Pourquoi ? Les bougnoules sont des grands parleurs et l'inaction de la justice ou des blancs en général qui baissent constamment les yeux dans ce genre de cas leur donne une confiance telle qu'ils osent faire ce genre d'acte dont seuls les Arabes sont capables. Je souhaite remercier toute l'équipe de DP pour votre travail qui permet de décompresser dans ce pays qui agonise. Gloire et prospérité à DP. Et c'est monsieur Grom qui nous écrit. Merci monsieur Grom pour ce témoignage très viril. Ah, enfin un Français qui se défend et qui fout une bonne rouste à un crouille. Ah, ça fait du bien quand même. Ça fait du bien, c'est pas fréquemment. Oui. C'est pas fréquemment. Messieurs, réaction sur le réflexe de virilité blanche tout à fait bienvenu de notre auditeur. Bah déjà, bravo à ce cher auditeur. Effectivement, bah il a raison sur la forme, il a raison sur le fond. Il y a quand même un petit bémol, c'est que malheureusement, nous les Blancs, quand on se défend avec un peu trop de virilité, bah il y a des juges rouges après qui sont pas forcément d'accord avec notre façon de voir les choses, quoi. Donc je dirais se défendre, oui. Si on peut le faire en plus de manière discrète et ou intelligente, c'est encore mieux. Et donc, en tout cas, bravo à lui. Je réclame une croix de fer, mon cher Gandalf. Accordé. Rubrique numéro 2, autisme radical. Ah, probablement à mettre sous verre. J'ai fait une commande. J'ai demandé la copie de l'article en papier, hein, parce que c'est trop beau pour être laissé comme ça de côté. Ouest France. Nous allons tout de suite vers la Bretagne, vers Nantes. Capitale de la Bretagne. Capitale des Ducs de Bretagne, vous le savez, hein, ou si vous ne savez pas, vous l'avez appris. Alors je vous livre ce magnifique article. Elles réclament des visas pour leur mari bloqué en Algérie. Une quinzaine de femmes de nationalité française ont manifesté devant le ministère des Affaires étrangères à Nantes, donc en fait c'est une espèce d'annexe, hein. Ce vendredi 22 novembre au matin, elle demande aux autorités françaises la délivrance de visa pour leur mari resté bloqué en Algérie depuis des mois ou des années. C'est injuste d'être marié et de ne pas pouvoir vivre ensemble. Mon mari est bloqué en Algérie, comme dans une prison. Il n'a aucun moyen de rentrer en France, se désole Stéphanie. Alors, l'article court est agrémenté d'une photographie où on voit que la France n'est pas en disette. Hein. Ça, c'est une chose. Alors oui, il y a quand même une Fatima qui est voilée, mais alors le reste, ce sont des blanches, quoi. C'est-à-dire que tu... Ah oui, non, mais ce sont vraiment des blanches. Hein. Ouais. Ce sont des bretonnes, pour être tout à fait précis. soyons précis. L'exactitude. Oui, précis, dans ces cas-là. Hein, l'exactitude. tout à fait. Alors, non, mais c'est, moi, ce qui m'a choqué, c'est les genoux. Hein. Ah, j'ai pas vu les... Ah, t'as pas vu ? Ah, mon ami ? Ah, non. Ah, bah, regarde de plus près. alors, avec la mini-jupe, hein, s'il te plaît. Hein, voilà. Attends, c'est tellement beau, faut l'exposer. Hein. Mon Algérien ! Non, mais alors, c'est quand même fascinant. Alors, voilà, alors, mais des grosses blanches qui vont faire le pied de grue devant le ministère des Affaires étrangères français pour réclamer leur livraison. C'est vraiment la bite algérienne Uber. Livrez-moi ma bite algérienne à la maison. Les auditeurs ne le voient pas, mais il n'y en a pas une de baisable, hein, faut quand même le dire. Ça, c'est important de le préciser. Même bourré. Ouais. Même bourré. Non, mais je sais pas ce qu'il y a avec les rouquines, quoi. Mais pas les rousses, ou tu as des rousses un petit peu normales, tu vois. Mais là, c'est de la rouquine. Tu vois, vampire, tu vois, c'est qui. Ouais, les cheveux, qui... le cheveu raide. Ouais, c'est vraiment l'espèce de truc semi-albinos, quoi. Et j'ai l'impression, bon, autant tu as pas mal de blondes qui se jettent dans l'abîme nègre, alors les rouquines, c'est les bougnoules. Hein. Alors ça, c'est. Elles sont fascinées par l'Algérie, quoi. Il y a un truc, hein. Je sais pas, le nombre de. Oui, même. Ah, j'ai trouvé l'explication. Même dans mon école maternelle, pas maternelle, école primaire, je me souviens d'une rouquine qui était. En plus intelligente, hein, enfin intelligente, qui était pas une débile, voilà, qui se bavait dessus, elle était allée se foutre pour le coup avec dès l'école primaire avec un Algérien qui bavait, le type se bavait dessus tellement il était débile. Tu vois, c'est je sais pas, c'est ça relève de la sorcellerie, je pense que ces créatures-là sont possédées par des djinns, peut-être. Des djinns. Hein, des djinns islamiques qui ramènent des rouquines pour la gloire du califat. Je vois que ça, je sais pas. Bah, sur ces vieux jours, Al-Baghdadi avait la barbe qui tirait vers le roux. Ouais. Alors, je sais que c'est parce qu'ils appliquent de l'aîné dessus. Ouais, mais bon, il y a une tendance, quand même. Hein. Moi, j'aurais dit que c'est plutôt la puce de chameau, mais enfin, bon... Dites-moi, c'est possible. Les quatre types là, qui sont à droite sur la photo, là, bah, c'est y en a des deux PD. Qui sont vraiment drôles. Et les deux autres, là, à lunettes, là, ils attendent leur mari aussi. Là, bah oui, mais bien sûr. Mais bien sûr. Bah, je rappelle que pour les Algériens, comme pour tous les fiers musulmans en islam, qui se respectent, en islam. En islam, celui qui encule n'est pas pédé. N'est pas pédé. Ces deux-là sont des fiottes blanches. Leur mari algérien. Sont des hommes tout à fait normaux. Hein. Donc c'est qui pour la rondelle frémissante, quoi. Ah oui. Non mais franchement, si les gens ne ressentent pas un besoin radical de fascisme, moi je peux rien pour eux. Je veux dire, à un moment donné. Oui, enfin au minimum. Oui, moi je suis. Non, oui, tout à fait. Non, mais je suis médecin généraliste. Ou d'un certain type de communisme aussi, hein. Ne soyons pas fermés non plus. Hein. Bon, mais non, mais moi je suis ouvert, moi je fais de la prescription, mais je veux dire, à un moment donné, voilà. Il va quand même falloir appliquer certains traitements. Hein. Oui, comme je l'ai dit en France, nous avons une histoire. Oui. En matière de traitement. Oui, puis les traitements, enfin, je veux dire, sachez une chose, je veux dire, tous les traitements sont un peu douloureux. Bon, on a toujours oui, un peu la... Quand on va chez le dentiste, on a toujours un peu l'appréhension, bon, voilà. Ce sont les plus efficaces. Oui, voilà, c'est ça, bon, mais il faudra bien y passer par là, hein, je veux dire... Regardez, les Templiers, il y avait un problème, voilà. Il n'y en a plus. Voilà. Les Juifs, il y avait un problème. Oui, mais les Juifs... Ils sont revenus. Mais oui. Il n'empêche que ils sont partis à une époque. Enfin, ils sont partis. Ils ont disparu, on va dire. voilà, bon. Ce bon Philippe le Bel. Il nous manque tant. Oui. Un roi fasciste. C'est peut-être la solution. Ah oui, c'était un roi en tout cas très... qui imposait sa volonté, ça c'est clair. C'est ça. Il n'y a pas de sous, c'est pas grave. Toi, tu m'emmerdes. Ok, d'accord. Le pape Non. Non. Bon. Enfin, moi, ne serait-ce que la moindre la chapelle autour de moi où c'est bourré de curés nègres, ça me fout dans une colère noire absolument délirante. Mais j'ai vu cette semaine oui, dans le Val d'Oise, je crois. Dans le Val d'Oise, le compte officiel. Il n'y a que des nègres. Ouais, des nègres. Le compte officiel de l'Église catholique du Val d'Oise qui publie une audience privée entre les prêtres du Val d'Oise et Bergoglio. Alors j'ai cru que c'était le Congo. Ah, je pense qu'il y a plus de prêtres blancs au Congo. Mais c'est très sous-estimé. C'est-à-dire que, non, en fait, les, je veux dire, le clergé, on dit le clergé catholique, vous savez, tous nos auditeurs, j'en suis convaincu, ont en tête des espèces de vieux curés blancs, etc. Ah non, c'est une organisation étrangère au sens strict qui opère sur le territoire français. C'est ça l'Église catholique aujourd'hui. Hein. Attention, messieurs, attention. Et homosexuelle en plus. Et intégralement soumise à l'État d'Israël, ça va sans dire. Alors bon, si, sauf si vous me, je vois un appel à une croisade effective avec des gens en home qui se rassemblent. En attendant, je reste sur mes réserves. Oui, bah, oui, y a des gens qui ouvrent la voie en des gens en brûlant des Corans en ce moment. Alors peut-être. Ah bien, ça, bien. Non mais regardez, bon, oui, alors ça c'est bien. Ils ont aussi balancé le machin d'Amazonie dans la. À la flotte, c'était assez marrant. Ça c'est bien aussi. Alors, le Coran qui était en flamme, c'était en Norvège. Je suis pas sûr que ce soit ouais, c'est pas des chrétiennes. C'est non, non, je crois pas. Non, c'est plus des Vikings. Le Viking éternel. Non, mais ça peut se cumuler, je veux dire. Mais par contre, voilà. Un appel à nos auditeurs qui seraient catholiques ou de sensibilité. Tu les appelles à quoi? Assiégez-moi ce Vatican, bordel de merde. Voilà. Avec des trébuchets. Tant que le Vatican n'est pas assiégé et que Bergoglio ne se soumettra pas en exigeant, hein, c'est-à-dire qu'il faudra qu'il supplie d'être brûlé. pieds nus, là, la tête dans la cendre. Voilà, j'aurais du mal avec le catholicisme. Je vous propose une pause musicale et on se retrouve tout de suite après. On les supporte plus. On les Nous revoici pour cette deuxième partie d'émission de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode 46. Rubrique numéro 3, Or Bleu. Ah, Or Bleu. Ah, oui, voilà. Parlons un petit peu de la richesse exceptionnelle des dom-toms qui fait la force de la France française. Avec un article de la presse régionale qui nous relate les derniers avantages que nous avons à avoir justement des possessions ultramarines, comme on dit publiquement. Ah, tu veux dire avoir des départements français Des départements français, voilà. Deux hommes accusés de meurtre et de viol devant la cour d'assises des mineurs de Moulins. Alors, le procès des deux hommes de 20 et 21 ans accusés d'avoir sauvagement tué trois personnes âgées et violé une femme de Montluçon dans l'Allier en 2017 s'est ouvert lundi devant la cour d'assises des mineurs à Moulins. En raison de la gravité et du retentissement des faits, et parce qu'un des accusés, mineur au moment des faits, avait atteint la majorité, seulement quelques mois plus tard, la cour a décidé de lever partiellement le huis clos, autorisant la presse à rendre compte des débats à l'exception de l'audition de la victime du viol et des experts témoignant dans cette affaire. Le 3 mars 2017, les policiers découvrent dans un appartement entièrement fouillé les corps de deux retraités, Massimo et Ginette Del Innocenti, âgés respectivement de 71 et 85 ans. L'homme gît dans une mare de sang, son épouse dépendante et alitée depuis un accident vasculaire cérébral est retrouvée dans son lit médical, tous deux portent de multiples traces de coups. Quelques jours plus tard, dans le même quartier, Janine Ponce, 74 ans, dont la fille s'inquiétait de ne pas avoir de nouvelles, est à son tour découverte inanimée par les pompiers, dans sa salle à manger, baignant dans le sang. Allongée sur le dos, partiellement dénudée, elle présente également de nombreuses plaies. Plusieurs éléments permettent aux enquêteurs de faire le lien entre les deux meurtres précédents et le viol d'une femme commise la même nuit que le meurtre de Janine Ponce. Le 13 mars, ils arrêtent un jeune homme de 18 ans très vite mis en examen pour les trois meurtres et le viol. L'autre accusé, alors âgé de 17 ans, est arrêté 10 jours plus tard à Clermont-Ferrand. Les auteurs ont dérobé seulement quelques euros à leurs victimes, les trois personnes âgées vivant dans des conditions modestes. Les accusés sont tous deux originaires de Mayotte. Département français, grâce à Sarkozy, on ne le rappellera jamais assez. Oui, attention, qui vote très fortement pour le Front National pour contrôler nos... Alors, ont été envoyés en France par leur famille à l'adolescence, l'un pour lui éviter les mauvaises fréquentations, l'autre en raison de son comportement. Le plus jeune a été condamné à 8 mois d'emprisonnement, notamment pour violence avec arme. Le second a plusieurs fois été condamné pour vol. Ils comparaissent notamment pour meurtre accompagné ou suivi d'actes de torture ou de barbarie et viol en réunion. Ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité, évidemment, aux frais des contribuables français. Alors là, je rejoins totalement la politique de Marine Le Pen sur la nécessité d'investir massivement dans les dom-toms, les plus particulièrement... À Mayotte, puisque très récemment encore, à l'occasion du déplacement il y a 2-3 semaines d'Emmanuel Macron sur cette possession française, département français, Marine Le Pen avait très fortement protesté contre l'absence de soutien financier à cette île qui, je le rappelle, connaît 10 000 naissances par an. Et qu'on allait bientôt construire un deuxième hôpital sur l'île. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous avez à me dire sur cette ressource extraordinaire qu'est Mayotte pour la France ? Oui, qu'est l'or bleu. Oui, l'or bleu. Oui, bah écoute... Il y a un théoricien de ça, d'ailleurs, pour le Rassemblement National, qui essaye de se faire entendre. Hein. Oui, qui théorise sur une stratégie nationale. Ah oui, c'est sûrement un haut fonctionnaire. C'est un boomer, déjà, ça commence par ça. Et c'est un fonctionnaire aussi. Voilà, comme ça, ça ne... Oui. C'est surprenant. Hein, c'est surprenant. J'ai visé dans le mille sans savoir qui c'est. C'est parce que comme tu es mal intentionné. Il y a des déterminismes, peut-être, chez les boomers fonctionnaires. Hein, oserais-tu parler d'essentialisme ? Oh, c'est de suite les gros mots. Mais oui, bon, clairement. Hein, cette génération vient nous tourmenter jusqu'à avoir salopé le parti censé défendre les blancs. Vaguement les Français, tu vois, vaguement. Oui, quand vaguement. Je dis les blancs, c'est vaguement les Français de souche, quoi, c'est ça que je voulais dire. Oui, oui, oui, voilà, vaguement. C'est-à-dire que le truc, bon, c'est un club où voilà, on se rencontre à bon coup, quoi, et encore, hein, de moins en moins. C'est plutôt dernièrement comment dire, un lieu de rencontre des sodomites. Mais oui, oui, cette partie-là, et on l'a rappelé plusieurs fois, en faveur du déversement d'un flot d'argent gratuit, hein, sur ces nègres, pour les faire pousser. Hein, parce que les nègres ne poussent pas assez vite. Il n'y en a pas assez. La culture du nègre. Le rendement n'est pas assez élevé. Hein. Marine Le Pen est pour que la productivité française soit améliorée. Hein. C'est l'industrie française. Hein, les joyaux de la République. On avait parlé de Mayotte, hein, mais vous savez que Macron a annoncé qu'il allait rallonger la piste. Alors j'avais précisé quand même. Ouais. J'avais précisé les choses. Rallonger la piste. Je l'avais dit. Pour qu'il décolle. Pas pour... Oui, voilà. Il faut quand même avoir ça. Et Marine Le Pen a protesté, mais avec une certaine virulence. Hein. Je l'ai vu même sur. Ben oui, la piste n'est pas assez grande, je pense. J'ai même regardé Marine Le Pen intervenir sur la chaîne de Mayotte. Elle était interrogée par une négresse. Mais elle était véhémente. Véhémente. À un moment, je me suis dit, mais elle est indépendantiste mahoraine. Il y a un. Parce qu'elle demandait vraiment beaucoup de pognon, tu vois, vraiment, mais comment quoi ? Je vois qu'elle... Oui, non, mais alors, peut-être depuis qu'elle a largué Loulou, hein, Loulou Alliot, le séfarade, peut-être est-elle maintenant en couple avec Elie de Motta. Elie de Motta, je sais pas. C'est-à-dire Elie de Motta, c'est-à-dire... je crois que ça ne m'étonnerait pas plus que ça. Il y a là un passif colonial. Il y a un passif colonial dans la mobilisation sociale que nous connaissons. Rends-toi compte que le Parti nationaliste français a été mis carrément par terre au rang de serpillière. Tout ça à cause du rhum, en fait, hein, parce que Marine Le Pen est une alcoolique. Oui, c'est ça, oui, en fait, c'est ça, oui, c'est la passion. Elle aime bien chanter, danser et boire. Voilà. Et donc, Francky Vincent, là où il fait chaud, c'est l'apothéose. Et surtout quand elle perd. Non, mais c'est des endroits, mais il n'y a pas de problème. Je veux dire, les îles, je veux dire, géographiquement, physiquement, c'est des belles îles, etc. Il n'y a pas de problème. Simplement, c'est les gens qu'il y a dessus. Oui, mais il y a quand même des nègres dessus. Voilà, c'est ça, voilà. C'est le problème. Et ouais. Excusez-moi, alors, sauf à opter pour une solution, effectivement, alternative, disons, de dépeuplement, je ne vois pas comment le cas est sauvable, quoi. Hein. Je ne vois pas. Puis, racialement, c'est quand même. Les Maorés, là. C'est spécial. Hein. C'est une espèce de mix de on dirait des Kanaks un peu, tu vois. Des Kanaks, mais mélangés ouais. Quand même avec des nègres, tu vois. Et puis avec oui, des Indiens. C'est-à-dire on dirait un mélange d'Indiens, d'Aborigènes. En fait, et de machins venus d'Éthiopie, tu vois, de la Somalie, de la Corne de l'Afrique. C'est du pirate. En gros, c'est le Pakistan, le Kanak et le Somalien, mais mélangés en même temps, tu vois. Voilà. Avec un passeport voilà. Français. Parce qu'une carte d'identité française, puisque c'est un département français. Et au fond, entre nous. Tellement plus français que les Alsaciens. Oui. Oh là là, tellement. Oh c'est intrigant. Hein. Oh là là là. Qui se prie le soir à la gloire du Kaiser. Hein. Bon, on le sait. On le sait. Vous n'acceptez pas la République. Hein. Nous le savons. Nous avons des yeux. Même les Belges m'ont l'air fort douteux, à vrai dire. Oui, c'est vrai. Ils sont bien blancs. Un peu trop. Ils parlent français. Bon, c'est une qualité. Mais la couleur de peau, ça ne va pas quand même. Enfin, Fulbert, on travaille quand même, Fulbert, à Bruxelles ça travaille quand même, on travaille le sujet. Quel sujet ? Le sujet chromatique, on essaye d'aller dans la bonne direction, je veux dire. Oui, il faut un effort, c'est vrai. Maintenant, à ce propos, tout à l'heure vous avez parlé de Roubaix, qui n'est pas loin de Lille, l'île qui a une mairesse, je sais pas, est-ce qu'on dit mairesse, enfin une maire, ouais, qui s'appelle Martine Aubry, qui est socialiste. C'est ça. Oui. Et je surtout alcoolique aussi, hein, comme Marine Le Pen. Comme les socialistes aussi. Ouais. Oh, ben, c'est la même bande. Et je voudrais attirer votre attention là-dessus, puisque tu parles de Bruxelles, de la Belgique francophone, que les grandes villes, par exemple, on prend Bruxelles, le bourgmestre, c'est un socialiste, Philippe Claus. On prend Liège, le bourgmestre, c'est un socialiste. J'ai oublié son prénom, mais c'est Demeyer. Et enfin, vous prenez Charleroi, qui n'est pas très très loin de Lille, c'est une bonne centaine de kilomètres. Le bourgmestre s'appelle Paul Magnette, c'est encore un socialiste. Putain. Oui, donc, alors attention, ça marche peut-être dans le Nord et la Belgique, mais en France, nous, ça marche plus. C'est-à-dire que c'est Sarkozy qui a fait que Mayotte est un département français à part entière, comme peut-être, la Creuse, hein, les Bouches-du-Rhône ou la... Le Bas-Rhin, tiens. Bien sûr. Enfin, plus que le Bas-Rhin. Le Bas-Rhin. Les tolérons. Hein. Les tolérons, c'est ça. Ouais, du bout de lèvres. Et on a une sortie, là, cette semaine, de la présidente de la région de droite, Île-de-France. Hein, Pécresse. Pécresse. Oui, Valérie. La droite de Versailles, hein, le 14, hein, etc. C'est très pompeux. Qui se félicitait que la région Île-de-France ait participé au financement du film d'un obscur nègre. Oui. Les Misérables. Les Misérables. Ah oui. Mais attends, elle a financé aussi le film de Polanski, elle a dit. Alors, elle a regretté que la région ait financé le film de Polanski. Si j'aurais su, j'aurais pas vu. Donc, on sent quand même que même si vous voulez, c'est assez marrant. Même la droite lâche les juifs pour se greffer sur le nègre. Juifs, je pense qu'ils commencent déjà à faire des cauchemars parce que plus personne ne peut voir leur gueule. Mais c'est pour te dire que non, Fulbert, mais. Il n'y a pas besoin d'être socialiste, en tout cas d'avoir l'étiquette socialiste, pour être une ordure en France. La droite française est tout autant, voire plus... La droite, j'ai envie de poser la question, la droite française, combien de divisions? Bien vu. Oui. Ben, c'est vrai que là aussi, il y a un prolongement en Belgique francophone, j'insiste. C'est que il n'y a pas longtemps, j'ai vu à propos de la nomination de la première ministre juive en Belgique, là, hein, Wilmès, Sophie Wilmès, j'ai vu que Times of Israel précisait que le MR, c'est le mouvement réformateur, ce sont ceux qu'on considérait comme les libéraux dans le temps, auparavant, qui s'étaient considérés comme le dernier parti de droite. Eh bien, Times of Israel, dans son article, estime que le MR est un parti de gauche modérée. Donc, vous voyez, on vous rejoint. Le curseur est beaucoup plus juste en Israël qu'en Europe. Ah oui. Putain. Oui, c'est-à-dire que il me semble qu'en Israël, tu as des juifs qui peuvent aller devant des prisons où il y a pas mal d'arabes dedans, et ils font des barbecues, tu vois, avec des saucisses pour... Ils mangent pas de porc, les juifs. Oui, mais pas grave. Il faut des barbecues, pas forcément du porc. Hein. Tu fais un barbecue avec de la viande. Ils font. Pourquoi ils font un barbecue les types... Pour que les types sentent l'odeur dedans pour leur donner faim. Quoi. Tu vois, c'est. écoute. Bonne idée à retenir. Ils sont créatifs. Ils ont une certaine créativité dans le. Reconnaissons-leur ce mérite-là. Oui. Ouais, maintenant, je voudrais revenir un tout petit peu sur l'article que tu as lu et qui nous fait parler pour l'instant, en propos de ces deux jeunes Mahorais. Oui, les Mahorais, oui. Oui, qui ont été envoyés en France. Bon, ce qui veut dire que Mayotte est occupée à vider sa poubelle sur la France. Mais outre cela, je vais les défendre quand même un peu. Je vous signale que chez eux, mais je crois qu'ils ne sont pas les seuls. Le violeur n'attend pas le nombre des années, comme disait l'autre. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est une allusion à la... à une citation de je ne sais plus qui disait que la valeur... Oui, certainement, mais je te pose la question, c'est qu'est-ce que tu entends par là? Ah ben, dans l'article, les types, ils sont mineurs, mais on a attendu pour les faire passer au tribunal. Entre-temps, ils sont devenus majeurs, etc., etc. Donc, je dis que le violeur n'attend pas le nombre des... Non, mais t'as bien raison, j'entends bien. Tu as dit, je prends leur défense. Alors, je voulais poser la question, en quoi tu prends leur défense? Et puisque la citation originelle est une citation positive, je fais passer ma citation à moi comme positive. D'accord, d'accord. Bon, bien. Moi, par contre, là où je ne comprends pas, c'est à quel moment l'âge des nègres entre en compte dans le fait que ce soit des nègres. Je ne sais pas. Effectivement. Est-ce que tu voudrais dire que le droit français est obsolète au point de ne pas comprendre qu'il existe des races? Oui, moi je suis pour qu'en tout cas il y ait une compréhension de la... Moi je suis pour un droit racial, hein. Je suis même pour une reconnaissance de l'unicité de la nature du nègre. Le nègre peut être avorté très tard. Par exemple... 9 mois. Voilà, Ah bah non, 8 mois et demi. Du coup 9 mois. Non, mais 17 ans, c'est très bien. L'avortement post-natal. Ah oui, c'est ambitieux. Écoute, il faut établir dans la Constitution française l'unicité de la nature du nègre. C'est vrai. Dès la conception jusqu'à sa fin. Le monothéisme. L'unicité du divin. Oui, les terres nègres et le berger de la République, cher Gandalf. Je le sais. Dois-je te le rappeler, hein? Non, je le confesse. Tu n'es pas assez croyant. Voilà. Oui, non. Mais ça se travaille, hein. Oui. Ça se travaille. Messieurs, rubrique numéro 4. Le sale juif de la semaine. Disons un peu du mal des juifs. Sacha Baron Cohen. Mais avant de passer à Sacha Baron Cohen, nous avons un très gros programme début 2020 qui va mobiliser tous les chefs d'État d'Europe. Les chefs, y compris Vladimir Poutine. Donc, c'est vous dire que quelque chose de très très gros se prépare. Jérusalem va accueillir le plus grand forum sur l'antisémitisme jamais organisé de l'histoire. Le président Reuven Rivlin a fait savoir mercredi qu'une trentaine de dirigeants internationaux, dont ses homologues russes et français, se rendrait en Israël en janvier pour marquer la journée internationale du souvenir de la Shoah à Jérusalem, un événement attendu comme le plus grand rassemblement consacré à la lutte contre l'antisémitisme. Rivlin s'est exprimé lors d'une conférence de presse à sa résidence à Jérusalem en vue du 5e Forum mondial sur la Shoah, qui se déroulera le 23 janvier 2020 au mémorial de Yad Vashem de la capitale sous le titre « Se souvenir de la Shoah, combattre l'antisémitisme ». Donc ça veut dire qu'il faut combattre contre les nazis. Je traduis. Hein. Le président a indiqué que Vladimir Poutine, Emmanuel Macron et ses homologues allemands Frank-Walter Steinmeier, italien Sergio Mattarella et autrichien Alexander van der Bellen, qui est un écologiste, figureraient parmi les dirigeants ayant confirmé leur présence à cet événement unique en son genre. Dans quelques semaines, je serai rejoint par les chefs d'État et les dirigeants internationaux que j'ai invités à Jérusalem pour marquer le 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz-Birkenau, a-t-il ainsi déclaré. Les présidents de la Russie, de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, de l'Autriche, ainsi qu'un représentant du Royaume-Uni, le roi d'Espagne, le roi de Belgique et de nombreux autres dirigeants viendront à Jérusalem pour discuter de la lutte contre l'antisémitisme. Nous nous réunirons pour réfléchir à la transmission du souvenir de la Shoah aux générations qui vivront dans un monde sans survivants et aux mesures que nous devons prendre pour garantir la sécurité de tous les Juifs dans le monde, ajoute le chef de l'État. Le ministre des Affaires étrangères Yisrael Katz a déclaré pour sa part « Organiser cet événement de haut rang à Jérusalem, la capitale d'Israël, pour marquer les 75 ans de la libération d'Auschwitz, revêt une grande importance historique et personnelle. Je suis le fils de survivants de la Shoah, Maher et Malka Katz, qu'il repose en paix. Ma mère Malka Katz était à Auschwitz et a dû procéder à la marche de la mort. Depuis cette époque sombre, nous avons défendu et développé notre patrie. Donc, sa marche, la marche de la mort en question, sa mère n'est pas morte. J'espère que vous aurez quand même compris de vous-même. C'est comme l'école de la mort où on ne meurt pas, c'est pareil. Ouais. Et les survivants des crimes, ouais, qui survivent beaucoup. Hein. Ça survit beaucoup, tout ça. Hein. Beaucoup de survivants. Ils survivent de plus en plus, d'ailleurs. Oui, c'est... D'ailleurs, la thématique, c'est comment survivre après la survie. Vous voyez, donc, bon. Alors, lors de cette conférence de presse, le président de Yad Vashem, Avner Shavlev, a averti que les tropes antisémites que les nazis ont employées pour déshumaniser les juifs avant et pendant la Shoah sont encore présents dans nos sociétés post-Shoah. Sachez que vous vivez dans une société post-Shoah. Ah, oui, c'est comme Shoah, le calendrier d'avant, le calendrier des Goy, c'était avant et après Jésus-Christ. Bon. Bah oui, ils ont leur religion, voilà. Shoah, voilà. Avant, après Shoah. Comment ça, leur religion? J'ai l'impression que... J'ai l'impression que quand cette dernière phrase là, que tu as citée, oui. Ça s'adresse un petit peu à nous. Hein, oui. Ça le juif. Oui, oui. Alors, je continue. Hein. La vie juive est de nouveau menacée en Europe, a déploré Moshe Kantor, président du Forum mondial sur la Shoah. Elle est menacée par des agressions et un harcèlement quotidien dans la rue, les écoles, les universités, en ligne et même chez les gens eux-mêmes. Elle est devenue si grave qu'une majorité écrasante de juifs d'Europe ne se sentent plus en sécurité. Je lutte pour pas me marrer, hein. C'est très difficile. Il reste encore des blancs, malheureusement, c'est vrai que la sécurité est dramatique. Dans le communiqué de la résidence du président à ce sujet, on peut lire « Cet événement a lieu dans un contexte de montée de l'expression haineuse et violente de l'antisémitisme, notamment en Europe. Au vu de cette situation alarmante, les efforts d'information sur les dangers de l'antisémitisme, du racisme et de la xénophobie, et de commémoration et de recherche sur la Shoah rendent cet événement encore plus important et pertinent que jamais. Le mois dernier, le rabbin, à la tête de la principale alliance rabbinique orthodoxe d'Europe, avait mis en garde contre la résurgence de l'antisémitisme sur le continent qui, je cite, « pose une menace existentielle à la communauté juive ». Le rabbin Pinchas Goldschmidt, qui préside la conférence des rabbins européens, estime que le climat antisémite est principalement alimenté par le souvenir déclinant de la Shoah, la montée de l'extrême droite et l'islam radical. Alors, djihadistes blancs qui tirent la gueule, bon, tout ça, hein, bon, problème. Le souvenir de l'Holocauste s'efface quand même un peu. On a moins de momies parlantes à présenter aux foules. Non, mais tu sais qu'ils veulent faire des hologrammes. Hein, Ça existe déjà. D'accord. Alors du coup, ils luttent. Hein. Ils luttent, c'est un combat. Cette semaine, sur Arte, ils ont sorti une survivante de l'Holocauste, encore, ultra ridée, etc., machin, qui a raconté sa vie, etc., 700 000 vues, etc., ouais, j'adore, non, mais ça marche du tonnerre de Dieu, je veux dire, c'est un super produit, quoi, et alors, tout le monde veut lutter contre l'Holocauste, etc., alors, bon, d'une part, ils n'ont pas compris que ça se passait, les événements dont il est question, hein, déformés, s'il en est, bon, se sont quand même déroulés au siècle dernier, au moyen, bon, mais les gens ne comprennent pas, c'est-à-dire, il n'y a pas de recul. Tu vois, les nazis sont dans les Ardennes, en fait, là, maintenant. Il faut réagir tout de suite. Non, mais tu regardes le commentaire des gens. Les gens font pas la distinction entre ça et Netflix. Ouais, mais... hein. C'est pour eux. C'est l'unicité de la Shoah. Enfin, bon, les types ont monté ça comme une religion. Donc, c'était hier. C'est demain. C'est aujourd'hui, c'est tout le temps. Donc, la Shoah, tu dois en bouffer matin, midi et soir. C'est le Tahoué. Parce que les juifs doivent venir, tu dois payer, quoi. Je vois une confrontation des monothéismes, là. Donc, on a le monothéisme shoati, qui est en fait la divination du juif, qui ne dit pas son nom. L'éternègre aussi, qui est là, sous-jacent. On a le tahouit, c'est-à-dire l'islam, quand même. Allah, ne l'oublions pas. Jésus, non, ça c'est fini. Parce que l'église catholique, c'est l'éternègre, donc... Ouais, c'est assimilé. Ouais. Voilà. Et les blancs, bon bah là il y a un consensus, ils doivent crever. Alors, Poutine, Macron, Steinmeier, tous les vieux machins de cette Europe démocratique en train d'agoniser, tout ça à Jérusalem, la capitale indivisible d'Israël. Bon, il y a des colonies à côté, etc. Les bougnoules prennent des missiles de FC. Mais c'est pas vraiment important. On s'en fout. Quelque part, c'est de l'antiracisme militant, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Cette belle 75 ans de la libération d'Auschwitz. Ouais, je pense qu'ils essayent de... C'est poussif, hein. C'est poussif, quand même. Ouais, ça c'est-à-dire que les gens... Le produit ne se vend plus, quoi. Ouais, alors Poutine y vient parce qu'il est bon client, il cherche toujours à faire des... Il a envie d'être sur la photo. Voilà, il a envie d'être sur la photo. Il est boycotté, il a envie d'être là. C'est toujours, voilà, il est boycotté dans le monde, c'est toujours, au niveau international, c'est toujours bien de se faire voir avec les gentils juifs qui se sont fait persécuter par les méchants nazis, etc. Oui, puis c'est quand même un peu de la faute des Russes, si Auschwitz a été ouvert, ils ont laissé filer les migrants, je veux dire, c'est quand même... Bon, puis non, mais même, bon, par rapport à... Non, mais il faudra un jour que je... Par rapport à la... Non, mais par rapport à la narration aussi qu'il a en Russie, par rapport au roman national, etc., bon, ça va très bien, voilà, c'est... La Russie gagnante de la guerre, libère, etc. Oui, qui libère. Voilà, oui, le communisme. Staline libère ça. Bon, c'est particulier, c'est comme ça. Hein, bon, ils ont choisi leur truc. Hein, on n'est pas à leur place. Macron, bien entendu, bon, qui n'en rate pas une. Hein, puis bon, par rapport aux juifs, mais bon. À vrai dire, il n'a pas non plus des masses de choix. Il faut quand même bien le dire aussi. Oui, hein. Oui. Mais tu remarqueras que le reste, bon, même les Italiens, l'Allemagne, même l'Allemagne, hein, c'est-à-dire que c'est le président, c'est-à-dire que c'est pas Merkel. Ouais. C'est-à-dire que c'est le c'est-à-dire qu'on a envoyé un vase, quoi, hein, le type dans lequel on fout des fleurs, quoi, c'est ça, c'est-à-dire une espèce d'ornement. Pareil pour l'Italie et l'Autriche, je crois aussi. Hein. Donc c'est bon, le plus grand truc avec des dirigeants. Oui, mais pas trop. Ça sent le sapin, hein, les juifs. Hein, ouais, ça sent un peu le sapin. Ouais. Moi, j'avoue, quand j'ai vu cette nouvelle, j'étais très content. Hein. Il dit Adonai, regardez-moi, Shoah. Bon. C'est aussi une façon, j'ai l'impression, de forcer un peu la reconnaissance internationale de Jérusalem comme capitale d'Israël. Hein. J'ai un peu l'impression que c'est une tentative détournée d'y parvenir. Oui, quoi. Enfin, ces gens-là ont tout le temps des il faut jamais quelque chose avec juste pour la Shoah, hein. Si on peut profiter pour faire la reconnaissance de 2-3 colonies à droite à gauche, etc. Hein, parce que pas, hein, tu arrives, tu les fais pleurer. Hitler méchant, excuse-toi. Oui, peut-être les colonies, ma foi, écoutez, c'est-à-dire qu'ils essayent, en fait ils essayent, mais ça marche plus trop, parce que que ce soit Poutine, il a de son côté, enfin, il a géré toute une population musulmane, hein, que ce soit les types de Tchétchénie et autres qui sont ses alliés, hein, politiques. Et Macron a géré le bougnoulistan de Roubaix. C'est la bourgeoisie française qui est alliée au métécariat, hein, donc aux nègres et aux bougnoules. Macron doit obligatoirement montrer patte blanche aux Algériens, à tous les musulmans, en gros. Il était à Amiens là, il y a quelques jours, oui. Et il a fait un crochet par une cité du bled. Hein. Bah, oui. C'est-à-dire qu'il faut maintenant, il affecte de saluer. Les quartiers à Bougnoul, il va pas dans les zones résidentielles où tu as des Macron, ouvriers, des employés. Non, mais je veux dire, Macron, c'est observé, la chose a été, la chose, bon, on l'a vu là, dernièrement dans les îles à Nègre et compagnie. Macron, son projet, il a été défini l'année dernière, le 11 novembre, pour le centenaire de la Grande Guerre. Oui. Quand il a ramené sa grosse négresse, hurler à la face du monde à quel point les Blancs étaient des enculés. Au pied de l'Arc de Triomphe, ouais. Au pied de l'Arc de Triomphe. Devant Trump. Voilà, c'était il y a deux ans, c'était en 2018. Non, c'est l'année dernière. C'est l'année dernière, 2018. C'est oui, dernière, 2018, donc 2019, oui, d'accord. C'est pour le centenaire. C'est ça, oui. C'était l'année dernière. Et donc, il a eu, effectivement, il a voulu humilier Trump, mais pas que Trump. C'était un message à l'Afrique, je suis votre homme. Hein. Oui, oui. Donc, il va, voilà, les Juifs, tout ça, il sait comment ça marche. Il vient de chez Rothschild, il a des... Il a des ministres de la coterie juive dans son gouvernement. Ouais, ouais. C'est comment ça marche. Mais au niveau de l'électorat, s'il veut être réélu confortablement, il sait ce qu'il doit faire. Et voilà, il est clairement, c'est l'homme des métèques. Voilà, ouais, il est pour faire une espèce de conglomérat entre les boomers sur la fin et... Alors, il y a quand même un truc, je veux dire, c'est que cet événement est censé, outre le côté un peu paillette, il y a quand même un sentiment d'alarme hein, chez les juifs, la juiverie mondiale, le QG mondial de la juiverie, quel État d'Israël, est en alerte. Il convoque, parce que c'est ça, il convoque les États, les chefs d'État européens, il faut quand même le noter. C'est à observer, hein, je veux dire. C'est un dîner du CRIF à l'échelle mondiale, en fait. C'est ça, un dîner du CRIF à l'échelle mondiale. Vous remarquerez que les Écossais ne sont pas en mesure de convoquer la totalité des chefs d'État européens. D'accord? Ni les Norvégiens. Donc, vous voyez bien où est le rapport de force. Donc, quand on vous dit, ah, quel complot juif, quelle conspiration juive, quel pouvoir juif occulte, quel lobby, de quoi vous parlez-vous, ça n'a aucun sens, etc. Bon. Visiblement, ce petit État microscopique accroché sur une fine bande territoriale de la Méditerranée, est capable de convoquer la totalité des chefs d'État d'Europe, dont deux ouais. États nucléaires. Il convoque, mais les gens viennent... Enfin, ils viennent... Non, mais après ils viennent à reculons, mais ils viennent quand même. Oui, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils viennent à reculons, oui. Chacun met les formes, etc. Mais enfin, bon, on a quand même des gens qui viennent. Donc voilà, voilà. Et pour demander quoi? Pour demander de la répression dans les pays européens. Ce qui veut dire quand même l'incroyable impudence de ces gens-là. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout de discuter éventuellement d'une amitié franco-israélienne ou européenne-israélienne en Israël, je ne sais pas, pour des sujets économiques. Non, il s'agit bien de mener une politique extrêmement agressive en Europe au service de la juiverie. Hein. Et c'est tout l'objet, c'est il faut lutter contre ce qu'ils appellent l'antisémitisme. C'est pour ça que c'est placé sous le symbole de, je cite, la libération d'Auschwitz. Alors, s'il vous plaît, chers auditeurs, si vous n'avez jamais entendu parler d'Auschwitz, ou si vous avez simplement entendu parler dans les médias de ce qu'est Auschwitz, renseignez-vous et lisez les travaux de Robert Forisson, de grâce. Ne mourrez pas stupide. Vous apprendrez beaucoup de choses, à commencer par la chose la plus essentielle. Il n'y a pas eu de chambre à gaz homicide à Auschwitz. C'est un flanc juif. C'est un énorme flanc juif. Donc, c'est un énorme mensonge, d'accord, voilà, et renseignez-vous de grâce, creusez, vous allez découvrir des choses, vous tomberez de votre chaise. Je vous assure, je vous assure. Bon. Ne prenez pas ce que je dis pour argent. Vas-y. Non, ça me fait penser, cette semaine, je m'en ai mis un peu sur YouTube, je traînais et j'ai vu un reportage de France 2 sur la cavale du docteur Joseph Mengele, un grand homme. Et donc, il y avait une survivante des camps de la mort, hein, encore une survivante qui survit, ouais. Qui témoignait. Donc, en fait, son boulot maintenant, c'est ça, c'est de faire fermer la gueule au goy. Elle fait ça toute sa vie maintenant, elle est aux États-Unis. Et donc, bien sûr, pour les intérêts des Juifs et d'Israël. Et donc, elle témoignait sur... puisqu'en fait, c'était une jumelle, et le docteur Joseph Mengele portait l'intérêt aux jumeaux pour des expériences in vitro. Donc, du coup, ça va t'intéresser, Gandalf. On donnait de raconter, alors il faisait, il y a toujours le violon, les bons récits, et en fait finalement elle est en train de se plaindre, tu t'en rends compte quand tu réfléchis, qu'à un moment donné docteur Joseph Mengele lui a fait une prise de sang quoi, et pour elle c'était horrible, et non mais c'était un prélèvement, vous rendez pas compte et tout, ouais en fait c'était un médecin qui lui a fait une prise de sang, voilà, c'est fantastique. Je ne serais pas réconcilié avec les Juifs. Non, mais juste, permets-moi, parce que Pierrot a évoqué ce charmant docteur Mengele. Oui, non, mais auquel on prête des trucs, enfin, c'est délirant, c'est délirant. Non, mais rappelons pour les Juifs qui nous écoutent que docteur Mengele est mort paisiblement sur une plage. Au Brésil, c'est vrai. Au Brésil. Donc, voilà. Voilà, chapeau l'artiste. Messieurs, ça ne s'arrête pas là, je veux parler maintenant de Sacha Baron Cohen. Alors, 25 minutes, en tout et pour tout. Lors du dernier sommet de l'ADL, Anti-Defamation League, la Ligue Anti-Diffamation Américaine, organisation juive équivalente en France de la LICRA et du CRIF, tout ça combiné, qui est dans une lutte à mort contre les blancs américains qui ont eu le tort, il faut bien le reconnaître, d'avoir attaqué le Troisième Reich pour libérer les juifs. Il faut reconnaître quand même que... bon. Ils avaient des choses à te reprocher, et maintenant ils sont châtiés comme il se doit par les juifs américains. Voici un article du Times of Israel qui explique tout ça. Alors vous savez, Sacha Baron Cohen, c'est l'acteur de Borat et compagnie, vous connaissez tout ça, espèce de sale juif. Donc l'acteur et humoriste Sacha Baron Cohen a livré un témoignage bien senti, ça c'est... Non, c'est... Attends pour moi, j'ai dit que c'était Times of Israel, ça c'est Radio-Canada qui s'exprime. Oh, c'est pareil, hein. Ah non, mais les Canadiens aussi, francophones, il y a de quoi dire. Hein. Bon. Donc, l'acteur et humoriste Sacha Baron Cohen a livré un témoignage bien senti contre les géants du web, comme Facebook, Twitter, YouTube et Google. Alors, Facebook, Twitter, YouTube et Google. Donc, les 3 sur 4 sont tenus par des juifs, je précise. Hein. Les décrivant comme la plus grande machine de propagande de l'histoire. Il les tient aussi responsables de la flambée des attaques meurtrières contre les minorités ethniques et religieuses. Sacha Baron Cohen est plutôt connu pour ses personnages humoristiques complètement déjantés, comme Borat, le Kazakh naïf, Bruno, l'Autrichien homosexuel très à l'aise, ou encore Ali G, le frimeur ridicule provenant du ghetto. Or, on a eu droit cette semaine au vrai Sacha Baron Cohen, et il n'avait pas trop la tête à plaisanter. Cohen a pris la parole jeudi dernier à l'occasion de l'événement Never Is Now, sommet de la Ligue Antidiffamation sur l'antisémitisme et la haine à New York, alors qu'il recevait le prix du leadership international de l'organisation non gouvernementale. Donc des juifs ont remercié un juif. Selon ce que rapporte The Guardian, il a profité de sa tribune pour lancer des flèches à plusieurs géants du web. Les crimes haineux sont en hausse, tout comme les attaques meurtrières contre les minorités ethniques et religieuses. Toute cette haine et cette violence sont facilitées par une poignée d'entreprises du web qui forment la plus grande machine de propagande de l'histoire, a affirmé Cohen. C'est pourquoi YouTube a recommandé aux internautes des vidéos du conspirationniste Alex Jones des milliards de fois. C'est pourquoi les fausses nouvelles, les fake news, obtiennent plus de succès que les vraies nouvelles, les vraies informations. Parce que des études démontrent que les mensonges se propagent plus vite que la vérité. Un juif parle de mensonges et de vérité. Hein. Comme une manchette l'exprimait récemment, pensez seulement à ce que Goebbels aurait pu faire avec Facebook, a-t-il ajouté. Cohen a réservé ses paroles les plus dures pour Facebook, qui a récemment fait l'objet de vives critiques pour sa décision de ne pas soumettre les publicités politiques à une vérification des faits. Si vous payez Facebook, va mettre en ligne toutes les publicités politiques que vous voulez, même si ce sont des mensonges, a-t-il lancé. On vous aidera même à micro-cibler des internautes pour un effet maximal. L'acteur britannique a ensuite attaqué le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, en ce qui concerne la justification de ces politiques selon laquelle le réseau social serait un bastion de la liberté d'expression. Je crois que nous pouvons tous nous entendre sur le fait que nous ne devrions pas fournir de plateforme aux racistes et aux pédophiles. Je répète ça. On voit pas ce que ça fout là, aucun rapport. Quoi. Aux terroristes aussi. Répète. Je répète. Je crois que nous ne pouvons pas... je crois que nous pouvons tous nous entendre sur le fait que nous ne devrions pas fournir de plateforme aux racistes et aux pédophiles. Afin qu'ils répondent leur point de vue et qu'ils ciblent leurs victimes. Donc il y a un lien entre le racisme et la pédophilie, chers amis. Jusqu'à preuve du contraire, on saisit les noms de domaine des sites racistes, mais pas des sites pédophiles. Bon, je sais pas. Hein, mais... Effectivement. D'ailleurs, Polanski n'a pas eu trop de difficultés à vendre son film, hein, je le rappelle. Cohen a ajouté que les entreprises web devraient être tenues responsables de leur contenu. Il est temps d'appeler ces entreprises par le titre qui leur revient vraiment, les plus grands éditeurs de l'histoire. J'ai une idée pour elles, qu'elles se conforment aux normes et aux pratiques de base, tout comme les journaux, les magazines et les émissions de nouvelles le font chaque jour. Selon lui, imposer des amendes aux entreprises du web n'est pas suffisant. Et il faudrait peut-être imposer des peines de prison pour la propagande haineuse qui mène à des ingérences politiques et qui encourage des génocides. Facebook a réagi au discours de Cohen par le biais d'un porte-parole. Sacha Baron Cohen a présenté une image déformée des politiques de Facebook. Le discours haineux est banni sur notre plateforme. Nous bannissons les gens qui préconisent la violence et nous retirons tous ceux qui l'encouragent. Personne, incluant les politiciens, ne peut préconiser ou faire la promotion de la haine, de la violence ou de meurtres de masse sur Facebook. Alors, en résumé, c'est un discours entre rabbins. Enfin, le rabbin on peut Cohen. Pas faire, alors, le rabbin, on ne peut pas faire la promotion du meurtre de masse, sauf s'il s'agit de blancs. Hein. Oui, l'avortement est légal sur Facebook, effectivement. La promotion de l'avortement est tout à fait légalisée. Alors donc, on a le rabbin Cohen qui s'en prend au rabbin Zuckerberg en disant « Zuckerberg, tu encourages les nazis » et Zuckerberg qui réagit « Non, Cohen, je n'encourage pas les nazis. » Voilà. C'est voilà. À peu près, voilà. Sous les auspices... C'est donc, le Talmud. Talmud version 2019. Donc en fait, si vous voulez, vous avez le choix entre les maximalistes du judaïsme, en fait, qui disent, en gros, la tôle pour les goy, et les modérés qui disent, non, il faut faire taire les goy. Voilà, vous avez le choix. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette concomitance entre cette réunion de rabbins organisée par l'EDL à New York pour mettre en prison les goys qui peut-être critiquent un petit peu trop, finalement, ouvertement, le pouvoir juif, qui n'existe pas, je le rappelle encore une fois, et le sommet international contre l'antisémitisme à la faveur de la libération donc, du camp d'Auschwitz par l'armée rouge hein, de Staline, accessoirement, qui avait ses goulags, d'ailleurs, dont on parle assez peu, supervisé par des commissaires politiques juifs, on en parle assez peu aussi. Je vois, moi, une rencontre des esprits un peu fortuite, hein. Mais bienvenue. Moi, je vois une envie de sang hein, de certaines personnes. Je crois qu'on en approche. Certaines démos. On en approche. Non, mais sérieusement, je pense qu'on en approche. Je pense qu'on en approche. Baron Cohen, qui est un saltimbanque, hein, en plus. Hein, c'était oui, c'est un acteur, c'est juste un acteur, en fait. Hein. C'est un acteur à part du festival. Particulièrement, c'est un pitre. Hein, au niveau il fait des films voilà, où il montre son cul ou des trucs comme ça. Enfin, c'est un pitre. Donc, il arrive à l'organisation terroriste juive de l'ADL, hein, Anti-Defamation League. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un documentaire assez sympathique. J'ai oublié le nom d'ailleurs. Il s'appelle Defamation, je crois. Defamation. Noir Shamir. Fait par un juif d'ailleurs. Hein. Fait par un juif. Vous verrez un petit peu le genre d'oiseau qu'on trouve à l'ADL. C'est assez costaud. Et c'est Xolobis, enfin, cette organisation-là est extrêmement puissante hein, aux États-Unis. Donc tu as ce pitre-là qui arrive. Et là, bon, il en appelle ni plus ni moins à l'instauration d'un régime bolchevique. Hein. Bon, Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Quoi. Et à l'échelle du monde occidental, hein, on précise bien, c'est vraiment à l'échelle. Ah, bien du sûr, monde... ça ne traduit pas. Oui, ça ne traduit pas. Enfin, il appelle, il faut bien comprendre un truc, simplement pour que les gens se situent. C'est-à-dire que ça se passe à New York, qui est une ville juive. Hein. C'est une ville juive, d'accord. Vous avez des millions de juifs à New York. Il y a un meeting de l'ADL, donc c'est vraiment le rassemblement des rabbins. C'est très politique. Et là, il dit, il faut mettre en prison ceux qui ont des discours de haine. Alors, aux États-Unis, ça veut dire qu'il faut mettre en prison ceux avec lesquels nous ne sommes pas d'accord. Les Américains retiennent ça. Donc, c'est un appel officiel, public, à abolir le premier amendement de la Constitution américaine. Alors, il faut bien comprendre, dans l'ordre juridique de n'importe quel État, mais plus particulièrement des États-Unis, c'est-à-dire que si vous supprimez le premier amendement, tous les autres amendements, ils tombent par définition. C'est-à-dire que tous les autres amendements sont conditionnés par le premier. Il y a une logique. Comprenez bien, il y a une cohérence dans l'écriture d'une constitution. Le premier amendement conditionne le second, conditionne le troisième. Or, qu'est-ce qu'ils font? Ils visent au cœur la République américaine, telle qu'elle a été créée par George Washington et tous les pères fondateurs américains. Donc c'est pas du tout une attaque, c'est pas juste un nouvel accès de fièvre juif. C'est une déclaration en bonne et due forme, publique. Les juifs sont pas fous quand ils prennent, comme tu le dis, un pitre à Saint-Amanque. C'est pour donner un ton badin au discours. C'est pour que les gens prennent ça marche. Oh, c'est une blague, c'est une farce. C'est sérieux, mais en même temps, c'est une blague. Vous voyez, c'est mi-figue, mi-raisin. C'est mi-chèvre, mi-chou. Celui qui veut. C'est-à-dire que, comment dirais-je. On peut le prendre de deux façons. Il y a une porte de sortie qui est réservée, vous voyez. C'est-à-dire que si quelqu'un prend ça au premier degré, il peut dire, mais non, mais vous comprenez bien. Moi, je suis un personnage. Là, c'est une... Et de l'autre côté, il peut dire, bah non, au contraire. Moi, je suis un acteur. D'habitude, je suis plutôt quelqu'un de pas sérieux, etc. Mais là, au contraire, je parle très vrai, vous voyez. Donc, toujours l'ambiguïté juive, ces couleuvres gluantes qui essayent de vous glisser entre les mains. Voilà, c'est comme ça. Mais l'attaque, elle est caractérisée. Elle est caractérisée à un an de l'élection présidentielle américaine. C'est très clair, et ce n'est pas un groupuscule juif, c'est l'ADL. C'est l'ADL. Donc, la demande est formelle. Elle représente un consensus au sein de la juiverie la plus puissante du monde, qui est la juiverie américaine, et qui consiste à dire le premier amendement, c'est fini. Comment, avec qui, quoi, quel échéancier, ça c'est ouvert à la discussion. Mais sur le principe, c'est fini. C'est ce que viennent de dire les juifs. C'est ce qu'ils viennent de dire. Alors, Trump peut gagner la prochaine élection, hein. D'accord, il peut la gagner. C'est pas grave. Ses successeurs arriveront bien à la perdre dans 4 ans, vous voyez. Donc, c'est réglé. La liberté d'expression aux États-Unis, c'est fini. C'est fini, c'est terminé. Vous prenez votre montre, votre calendrier, vous attendez. Alors, pour les Français, j'insiste là-dessus, si je vous donne la parole, pour les Français, en fait, ils se disent, bon, la belle affaire, déjà chez nous, de toute façon, on ne peut rien dire, etc. Je comprends bien. En Europe, de toute façon, il n'y a jamais eu de liberté d'expression. En fait, on s'en fout. On a toujours accepté que les monarques, ils pouvaient censurer qui ils voulaient. Enfin, tous les trucs, le baratin, la liberté d'expression, la liberté de conscience, c'est des conneries. En Europe, on a toujours accepté... On est légitimiste. On est légitimiste. On a toujours accepté que les monarques disent « Non, toi, ta religion, je l'aime pas, je te fous sur un bûcher. » Voilà. C'est comme ça, c'est culturel, voilà. Quand c'est la gauche qui gagne, ils crament les gens qu'ils ont envie. Quand c'est la droite qui gagne, ils crament les gens qu'ils ont envie. Voilà, c'est comme ça. Aux États-Unis, c'est totalement différent. C'est la base même de leur république. Avant ça, c'était les Indiens dans la Pampa. Ensuite, il y a les 13 colonies qui se fédèrent et qui créent un État qu'on appelle les États-Unis. Et c'est la base de ce qu'on appelait les États-Unis d'Amérique. Vous flinguez le premier article, vous flinguez les États-Unis. C'est fini. Après, c'est terminé. Il n'y a plus des États-Unis d'Amérique. Vous avez autre chose, une espèce de machin mou avec des Hispaniques, des Nègres, des Juifs. Bon, voilà. Bon, mais c'est fini, quoi. C'est crucial. C'est totalement crucial. Et pour moi, alors les juifs, si la branche sur laquelle ils sont assis, à mon sens, bon, ça c'est mon interprétation. Maintenant, je vous donne la parole sur ce que je viens de dire. Alors, à la fois sur Sacha Baron Cohen et sa déclaration, et bien évidemment ce qui fait écho pour l'Europe au grand meeting, au grand raout judaïque sur machin, l'antisémitisme, etc. La grande traque internationale. Au goy récalcitrant. Juste pour compléter ce que tu disais, Gandalf, la raison pour laquelle le droit du port d'armes aux USA est très très respecté et très très apprécié des Américains, c'est aussi parce qu'il faut se protéger non pas d'un éventuel agresseur, mais se protéger si l'État fédéral devient tyrannique. Et l'un des critères pour savoir s'il est tyrannique ou pas, en premier lieu, c'est la liberté d'expression qui serait garantie ou non. Voilà. Donc effectivement, c'est un sujet qui est très très grave pour les Américains. Et sinon, bah, ce Baron Cohen, j'ai limite en fait envie d'avoir de la pitié pour ce pauvre, entre guillemets, Mark Zuckerberg, qui passe son temps finalement à censurer tout ce qui est un peu patriote de droite. Enfin, je sais pas, vous essayez de mettre une publication un peu de droite sur Facebook, vous enclenchez votre chronomètre, elle dure 2 heures, quoi. Et par contre, toutes les publications d'extrême gauche, même les plus virulentes, il n'y aura jamais de censure là-dessus. Quoi. Jamais, jamais. Donc Sacha Baron Cohen se fout de notre gueule. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'il y a effectivement quelques censures parfois au niveau de l'extrême gauche la plus débile, mais les pages de droite intelligentes Bon, je parle des pages anglophones, hein, enfin, de la sphère américaine, qui ont des pages qui sont tout à fait, ma foi, enfin, qui restent lisses au niveau, on va dire, des mots, hein, mais par rapport au contenu qu'ils envoient, ils se font quand même dégager tous les 15 jours. Bon, c'est assez énervant, Sans explication parfois, hein, comme ça, hein. bah, y a pas de standard communauté. Voilà. La communauté juive, effectivement, n'est pas d'accord avec les standards. Ouais. Mais oui, bon, c'est une blague. Hein. Donc, déjà, Baron Cohen fait une chose pas monumentale en parlant de ça. C'est-à-dire que c'est faux. Il y a quelques années, effectivement, on pouvait distiller du nègre partout. C'est-à-dire que moi, j'avais des comptes Facebook à l'époque. Je balançais du nègre partout. Nègre, nègre, nègre, nègre, nègre. Alors, dès que je voyais un truc avec un nègre qui fait une nègrerie, je mettais nègre, simplement. Ça passait. Je n'étais pas suspendu jusqu'au jour où j'ai été. Donc, maintenant, on ne peut plus. C'est dommage. Mais voilà, bon. Il y a effectivement pas de. Comment dire? Il n'y a pas de complot antisémite. De Mark Zuckerberg, faut pas déconner, hein. Le type est juste là en fait même pour essayer de se conformer au droit américain qui doit être quelque chose de oui d'avoir une entreprise impartiale un truc comme ça. Mais en fait bon il est déjà partial au niveau de la gauche et c'est juste que ce Baron Cohen est un fanatique qui veut bon tant qu'il ne verra pas des goy la gorge ouverte comme des distributeurs pèsent pour boire leur sang, ben il sera pas content, il sera pas satisfait. Voilà, c'est tout, hein. Ce type-là est un fanatique. Je te Rappelons aussi, parce que les Juifs sont vraiment perfides, hein, c'est vraiment des fumiers, hein, des Comme gens d'hab. sournois. Hein. Ils parlent de censure, genre il y a l'international, le complot nazi universel qui est hyper puissant et qui persécute les pauvres petits Juifs. Bien sûr, la réalité, c'est totalement l'inverse. Rappelons quand même le cas, justement, puisqu'il le cite, d'Alex Jones, donc en fait, qui est un droitard américain, plutôt conspi, on va dire, ouais, pour aller vite, qui lui s'est fait censurer sur toutes les plateformes et toutes, Facebook, Tout Twitter, d'un tout ce que vous coup. voulez, et toutes en même temps, quoi. Donc, c'est-à-dire, là, pour le coup, c'était un vrai complot, quoi. Un truc qui existe vraiment, qui est tangible, hein. Alors, cher ami, c'est ce que Robert Faurisson a appelé an incredible meeting of minds. Hein, Une incroyable rencontre des esprits. voilà, Effectivement. ce n'est pas un monopole obscur, caché, non, c'est une rencontre fortuite des esprits. Là, pour le coup, c'est bon. Les voix de Yahvé sont impénétrables. Oui. Seul juif. Sale juif. Non, mais vous l'avez bien compris, donc il y a une conjuration mondiale de la part des Juifs pour faire taire absolument les goyes partout dans le monde blanc. C'est une lutte contre les Juifs. C'est une lutte contre les Juifs. Les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent, etc. Ils contrôlent le haut de l'appareil d'État, hein, des appareils, vous voyez, hein, bon. La preuve en est. Oui, bon, La preuve en est Israël, vous avez pour vu, hein, nous. Jérusalem, Non, non. non, mais non, franchement, Non, mais. ils convoquent toutes les chancelleries, etc. Ensuite, ils sont à New York, ils se donnent encore un truc. Ensuite, dans chaque pays pris individuellement, ils peuvent encore exiger de tel État qu'ils font. Enfin, venez, on est en plein, on est en... Alors, c'était peut-être pas prévu qu'on en parle, mais j'ai envie de mettre le sujet sur la table. Ils ont essayé d'approcher les gens de nos milieux pour faire ami-ami, voilà, on n'aime pas les Arabes, etc. Il y a eu une association là, qui s'était mise en place sous le haut patronage de Maître Goldnadel, qui s'appelait l'Organisation de lutte contre le racisme anti-blanc. Il y avait eu une sortie Oui. notamment d'un de ses dirigeants en septembre dernier, etc. Voilà, le racisme anti-blanc existe, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla, bla. Donc piloté par Goldnadel, hein, soit dit en passant, et on a appris cette semaine que ces gens-là, donc de l'OLRA, hein, Organisation de lutte contre le racisme anti-blanc, s'étaient transformés, hein, ils avaient muté pour une raison tout à fait obscure en une organisation antiraciste, ben, classique, l'antiracisme, mais comme le disait ce cher Bob Whitaker, hein, dans sa mantra, l'antiracisme est un nom de code pour anti-blanc. Donc l'organisation antiraciste contre le racisme anti-blanc s'est transformée, a transformé ses buts pour lutter contre tous les racismes. Bon, donc à partir de là, vous savez que vous allez vous faire enculer. Hein, donc, et que les juifs, même les juifs qui vous faisaient des yeux de biche, ils se disent non, mais quand même, c'est sale blanc. Voilà, ça vaut pas le coup de leur faire confiance. Hein. Donc, ouais, cette structure-là pilotée par le juif prétendument de droite est en train de vous lâcher déjà. Donc, moi, j'en appelle à ceux qui s'accrochent aux juifs à lâcher le juif. Un article assez révélateur, là c'est une discussion très libre hein, qu'on a entre nous, qui est passée cette semaine dans les médias. Je le trouve dans Ouest France, mais je pense que plusieurs de nos auditeurs l'ont forcément trouvé sur d'autres médias, parce qu'il y a eu un large écho quand même. Violence, une rapide montée vers la haine, inédite en France. On constate une forte dégradation des rapports sociaux dans les sociétés occidentales, a observé jeudi le coordinateur national du renseignement, Pierre Bousquet de Florian, évoquant un degré de violence inédit, évoquant des postures populistes de plus en plus véhémentes. Il estime que l'on est face à une forme d'ensauvagement général de notre société avec un degré de violence et une rapidité de la montée vers la haine que nous n'avions jamais connue auparavant. La France n'est pas la seule concernée, le djihadisme n'est pas la seule idéologie préoccupante, a-t-il expliqué lors d'une conférence au salon dédié à la sécurité intérieure des États, Millipol, à Villepinte, en Seine-Saint-Denis. Dans ce contexte, il a évoqué plusieurs points d'attention majeure pour les services de renseignement, l'ultra-droite, l'ultra-gauche, mais aussi les radicaux de tous bords. Selon lui, cela comprend tous les groupes se distinguant par des discours de plus en plus violents, c'est-à-dire les antispécistes, les autonomistes, je pense que quand il parle d'autonomistes, c'est les autonomistes régionaux, je présume, les identitaires, demain peut-être une marge radicale de mouvements écologistes. Il a évoqué enfin une quatrième catégorie à laquelle il faut être attentif, les États. Si on n'a pas constaté de véritable terrorisme étatique contre nos intérêts ces dernières années, il n'est pas exclu qu'un État acculé puisse recourir à ce type d'extrémité. Donc ça, c'est une déclaration donc, de Pierre Bousquet de Florian, qui est par ailleurs préfet de sa qualité, un bon gros bourgeois de centre-gauche, hein, au cas où vous ne le seriez pas, évidemment franc-maçon, et à qui au bien-être de la race juive. Alors, qu'est-ce que vous voulez m'en dire de ça, de son constat, une montée aux extrêmes, une montée vers la haine? Est-ce que cette société multiculturelle, multiraciale, multigenrée, ouverte, qui lutte contre le réchauffement climatique et qui peut enfin s'exprimer sur les réseaux sociaux, pêcherait un peu par excès d'animosité, finalement. C'est étonnant, quand même. Ouais, si tu veux, tu as des populations, alors ça va être nous, hein, d'un côté, les blancs qui expriment clairement notre ras-le-bol de la société post-raciale que l'on nous propose. Oui, on n'achète pas. Et de l'autre côté, voilà, on n'achète pas, on n'est pas client. Hein. C'est vrai que quand Moshé il arrive, là, avec ça, c'est... Ouais, il dit, prends 50%, là, la vérité. Non. Pantalon une jambe. Ouais. Non, non, pas vraiment. Et donc, tu as des gens qui ont été mis là pour nous... nous enculer. Pour nous... Oui. Entre autres, nous tuer, dévorer vivants pour les nègres ou nous égorger pour les bougnoules, qui, ma foi, eux aussi ne sont pas forcément très très enclins à accepter la sodomie comme étant... Oui, qui ont leur propre réserve, en fait, sur toute une série de sujets. Voilà, ils ont toutes leur propre réserve par rapport à comment tenir leur femme, comment tenir ce, enfin, comment ne pas devenir un continent, hein, voilà, ils ont certaines règles qui peuvent ne pas plaire à monsieur, comment s'appelle-t-il? De Florian, je crois, j'ai Bousquet oublié de son nom. Florian. Bousquet de Florian, Un homme du peuple, hein. noblesse. Quelqu'un Un homme du important, peuple. donc. Voilà, donc Alors, ce n'est pas quelqu'un qui a des difficultés de logement à Roubaix, c'est tout à fait certain. Ah, c'est certain. Non, mais voilà. Remarquez, enfin, chers auditeurs, remarquez que le problème en France, ce ne sont pas le fait que des homosexuels puissent kidnapper des gamins et se faire hein, tout à fait normalement. Ça n'est pas le fait que les nanas soient incitées à être des dépravées les plus totales. Ça n'est pas le fait que l'Afrique envahisse l'Europe. Non, le problème, c'est que des gens de bord, ma foi, qui ne sont pas forcément les mêmes, ne soient pas d'accord avec le projet boomer de parvis post-raciale. Voilà, il y a l'espèce de truc, oui, tout le monde est égaux, avec les. Enfin, prenez n'importe quelle chanson antiraciste des années 80-90. Ça vous donne le projet qui était prévu pour la France. Oui, Les gens n'en Balavoine, veulent pas. en gros, hein, Balavoine et compagnie, Oui, c'est oui, ça. oui. C'est-à-dire, c'est le générique d'Arnold et Willy. Hein, C'est si ça, oui. vous, hein, allez, pour les plus jeunes, allez faire du Google. Vous allez voir, vous allez vous marrer. Hein, c'est assez marrant, c'est assez costaud. Voilà, donc, bon. Le problème, c'est que ces catégories-là de personnes qui ne sont pas, on dirait, très intéressés par le progrès, le progrès via le rectum, ont tendance à être de plus en plus importantes au fur et à mesure que le progrès avance, hein, parce que Oui, c'est lié, hein. d'abord il y avait l'acceptation, enfin le progrès c'était d'abord, par exemple, je prends le cas des invertis. C'était d'accepter que ces gens-là ne se fassent pas fouetter, par exemple, ne soient pas condamnés. Bon, ils ne sont pas condamnés, très bien. Ensuite, il y en a eu, je ne sais plus, c'était fin des années 90 ou début des années 2000, le PACS pour les PD, hein. D'ailleurs, qui est maintenant peut-être plus utilisé par les gens normaux que les Ah non, mais PD, beaucoup d'ailleurs. plus, non, beaucoup plus utilisé par les Oui, hétéros, beaucoup plus. oui, Oui, pour des raisons fiscales, simplement. bah, écoute, tant mieux pour le coup. Pour une fois que ça peut servir aux gens normaux, hein, pour quelque chose. Donc voilà, il y a eu le PACS pour les PD, puis ensuite le mariage, et mais bon, alors, il n'y a pas encore l'adoption, mais je note qu'il y a quand même des personnalités de cette industrie juive qu'est la télévision qui ne manquent pas d'exhiber les gamins qu'ils ont kidnappés. Hein, Fogiel. Tu vois, Ah on avait l'ignoble fiotte là, de TF1 avec les yeux particulièrement rapprochés à tel point qu'il ressemble à un cyclope, Monsieur Beaugrand Christophe. Donc ces gens-là kidnappent des enfants de manière non reconnue encore par l'État. Pour les sodomiser, hein, on le sait. Hein. Bien entendu, hein, voilà, les gens vont penser qu'on exagère. Regardez un petit peu ce qui a pu avoir lieu déjà dans ce type de cas, pour les sodomiser ou alors pour en faire des transsexuels. Parce que Oui, oui, pour jouer la ah poulie, quand quoi. même, là, Damien, là, il serait quand même mieux avec des couettes, tu vois. Hein, donc Mais alors, mettons-lui la une question, chimique. c'est par rapport à la montée à la haine, où tu veux en venir, alors? Mais par rapport à la montée à la haine, ce monsieur-là va se trouver de plus en plus seul parce que. Les gens qui sont rétifs à son projet de parousie post-raciale, eh bien, ils seront de moins en moins. C'est essentiellement les boomers. Et les boomers, pas assez vite, mais en tout cas, ils crèvent. Donc, il y en aura de moins en moins. Donc tu veux dire en fait il y a de plus en plus de forces centrifuges, c'est ce que tu veux dire quoi. Ouais, c'est ça, les masses inertes qui sont là à nous balancer leur baratin, enfin qui tiennent le système, hein, voilà, c'est peut-être le pacte républicain, t'appelles ça comme tu veux, ça disparaît. Hein, les antagonismes sont bon, c'est l'avenir, quoi. C'est nous, c'est nous et c'est les autres de l'autre côté pour le Oui, coup. enfin, c'est les forces centrifuges, quoi. C'est en fait, Voilà. ce que tu veux dire, c'est que c'est il était inscrit dans l'ADN du projet que ça se termine en balkanisation généralisée, et maintenant les mecs sont en train de chialer sur en fait les conséquences de ce qu'ils ont prêché. C'est ça que tu veux dire en substance, quoi. Voilà, c'est que les gens, oui, c'est-à-dire que ces gens-là ont voulu créer un paradis artificiel en se dédouanant, enfin oui, en se dédouanant de tous les déterminismes raciaux et culturels, et c'est en train de leur péter la gueule. Ben c'est quelque part, c'est tant mieux, mais j'espère qu'ils le verront de leur vivant parce que bon, ça serait quand même dommage qu'ils partent avant que les choses deviennent assez rigolotes. Fulbert. Oui, mais je voulais dire à peu près la même chose avec d'autres mots. Je voulais simplement dire que finalement, ce type-là, Bousquet de je ne sais De où, Florian, hein. de Florian, ouais, le type fait le constat du niveau de pourrissement de la société occidentale, pas seulement française, pourrissement qui a été mis en place progressivement par les gouvernements successifs et qui est arrivé à un point tel que bah, ils en perdent le contrôle. Toute action engagée quelque part va créer du mécontentement par ailleurs. Je dirais avec des mots un peu simples que tous les clans qu'ils ont eux-mêmes établis à gauche, à droite, dans la société politique, dans la société morale, tous ces clans vont progressivement, commencent, pardon, à s'affronter et que ça risque d'exploser méchamment et ils ne savent pas le contrôler. Je crois que c'est ça son Oui, discours en fait. c'est tout à fait ça. Ils ont un problème. Enfin, dans l'immédiat, j'ai écouté cet homme-là parler, hein. Je me suis renseigné, j'ai écouté des entretiens qu'il a donnés. C'est quelqu'un qui parle de petits blancs. C'est à relever. Ah oui. C'est que quand quelqu'un dit, voilà, il parlait de la société française, il disait, oui, une réaction de petits blancs. Quand vous avez quelqu'un comme ça, qui s'appelle de mon cul, qui est préfet, qui est tiré à quatre épingles et qui parle, c'est avec la voix De un peu l'arrêt de mon cul. avec la voix un peu perchée et qui se situe au centre-gauche, donc espèce d'aristocrate récupéré par la République, par la gueuse, vous savez que vous avez affaire à un fils de pute intégral. Parce que sa fille, c'est bien entendu, ne fréquente pas les coins pourris du 19e arrondissement. Donc ce sont des gens, si vous voulez, qui prêchent une idéologie en tant qu'hypocrite affirmé et endurci, qui prêchent une idéologie pour les gueux. Mais à aucun moment, ils ne se l'appliquent, c'est bien entendu. D'accord? Comme dans les régimes communistes. Dans les régimes communistes, vous prêchez la lutte des classes, vous prêchez... Et ensuite, vous avez les apparatchiks qui vivent au quotidien avec quantité de privilèges, de passe-droits, etc. C'est exactement la même chose. Donc tous ces préfets aristos de merde, tous ces gens issus des bonnes familles, qui prêchent le multiculturalisme, l'immigration de masse, la tolérance, l'islam éclairé, etc., l'amour d'Israël, l'Holocauste, etc., sont des fins de race récupérées par le système pour vendre leur merde au bas peuple. Mais ils ne mangent pas de cette soupe. Ça me fait penser un petit peu, vous savez, vous avez ces élevages de saumon en Norvège. Et des fois, c'est arrivé, moi je l'ai vu, on pose la question au mec, alors que les mecs exportent hein, leur saumon, il dit, est-ce que vous mangeriez de votre saumon? Le mec vous dit, oh, jamais de la vie. C'est exactement la même chose, Oui, c'est-à-dire... alors moi ça me fait penser à autre chose qui Bah, a ça me fait plus penser aux rapport Juifs aussi, je veux dire... avec le Moyen Âge et les puits. Exactement. Donc, non, mais tout ça pour dire, si Non, vous mais voulez, c'est vrai, c'est que... une mentalité d'enculé, hein, ces gens-là, on le sait. Enfin, l'État français tourne parce que tu as des hauts fonctionnaires C'est qui, ça, ouais. pour bonne partie, sont issus de la noblesse française, hein, la bonne race qui va se mettre au service de Sauron, quoi, hein, clairement. Non, mais c'est même voilà. Pas ça, c'est qui tapine, qui se prostitue pour le compte des Juifs. Ah bah, pour parler franchement, ils se prostituent pour le compte des Juifs. Et alors, et ces gens-là, si vous voulez, le problème, c'est qu'ils contrôlent l'appareil de renseignement et l'appareil policier. D'accord ? Donc, moi, je dis, il faut parler, à un moment donné, il faut utiliser les termes qui correspondent. Nous avons affaire à un complot de juifs et de quelques éléments des couches supérieures sociales, socialement parlant, qui conspirent contre le bien commun, pour leur propre compte, et qui vont nous faire avaler du nègre et du bougnoul à coups de pompe dans le cul. D'accord ? Si vous êtes un mec précaire, blanc, qui s'appelle Robert, et que vous avez 50 ans, vous avez du mal à survivre parce que vous bouffez des pâtes, vous allez en manger. Vous allez en manger. D'accord ? Ces gens-là vont vous faire dévorer vivant par les crouilles. D'accord ? Frères musulmans et compagnie. Vous dites, regardez, dans cette émission, on vient de faire tout le spectre. Tout le spectre. Vous avez le petit blanc, 50 ans, qui en est à compter son kilo de pâtes, à Roubaix, une ville tenue par les frères musulmans, des types, ils sont connectés avec Erdogan en Turquie, comment dirais-je, le Qatar, etc. Les pires enculés, trafic d'armes, etc. Et en haut, vous avez l'appareil de renseignement avec des fils de putains comme ce Bousquet de Médeux qui vous explique le problème en France, c'est le petit blanc qui n'est pas content du gruau dégueulasse qu'on lui sert. C'est-à-dire les Robert 50 ans qui sont les laissés pour compte du système. Vous comprenez? C'est ça l'équation. Donc, il y a une conspiration et ils mobilisent l'appareil d'État contre le peuple. Comment voulez-vous qu'on échappe à une révolution? Je ne peux pas vous dire quelle forme va prendre la révolution. Mais ce que je peux vous dire avec certitude, c'est qu'il y aura une révolution. Je peux juste pas vous dire de quelle coloration elle sera, dans quel sens elle penchera, etc. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les gens en haut de l'appareil d'État n'ont aucune chance de survivre à moyen terme. Aucune chance. Ils peuvent ouais, plus, au moins une bonne nouvelle. Oui, d'une certaine façon, c'est une bonne nouvelle. Oui. Mais c'est garanti, je veux dire. Ils peuvent déployer. Regardez, et ce qu'ils font, ce que fait ce type, c'est ça, c'est déployer les efforts de l'État pour sauver la tête des types d'en haut. C'est vraiment une. Ils sont dans une logique de survie et même, j'allais dire, de court à moyen terme. Hein. Ni il plus, ni moins. Il y a déjà eu comment dire, un avertissement hein, pour ces gens au début du mouvement des Gilets jaunes l'année dernière. Oui, c'était un bon avertissement déjà. Ou même récemment, quand il y a eu le mec du renseignement, justement, qui n'était pas trop républicain, bah oui, ils ont eu harponisé, il a été harponisé. Le harpon de l'éternel. Ouais. La préfecture de police de Paris qui est une antre de la franc-maçonnerie et du judaïsme. C'est-à-dire un lieu de pouvoir français. C'est ça, oui, bah, un lieu républicain. Donc voilà, vous avez ces gens-là. Alors je voulais livrer une autre anecdote, simplement pour donner du grain à moudre, pour voir à quel point ces types sont au bout. Ils sont au bout, c'est-à-dire que leur système est en train de les rattraper. Spectaculaire. Donc ça, c'est un certain Jean-Charles Brizard. Jean-Charles, bon, j'ai pas besoin de... vous comprenez. Un spécialiste de l'antiterrorisme qui gère le centre de l'antiterrorisme, voilà, une espèce d'institution, un groupe de réflexion, comme on dit, avec pignon sur rue, pas du tout un truc d'extrême droite ou quoi que ce soit. C'est vraiment une espèce de groupe de réflexion qui rassemble du haut fonctionnaire, de l'aristocrate, du franc-mac, les huiles, hein, voilà. Et on va parler du terrorisme. Voilà. Et alors ils font un rassemblement à Jussieu. Une conférence internationale, il convoque le gratin de l'antiterrorisme européen. Ok ? Donc, tout ce qui est le plus institutionnel, voilà, hein, pas du tout, pas de mythomanie d'extrême droite, hein, on est vraiment dans le système. Le type s'est fendu d'une série de tweets furibards, parce qu'il s'est fait virer de la fac de Jussieu, lui et sa conférence, et tous les experts invités. Alors, je vous livre simplement sa série de tweets pour illustrer, et ensuite on se séparera là-dessus. Donc, ça commence comme ça. Série de tweets sur l'annulation par l'université de Jussieu de la conférence internationale sur le terrorisme. Quelles menaces et quels enjeux après la chute du califat? Donc ça, c'était le CAT, Centre donc administré notamment par Jean-Charles Brizard, et avec comme objectif, avait notamment un des mots d'ordre qui était « fight extremism », donc combattre l'extrémisme. La conférence a nécessité plusieurs mois de préparation. Il y a eu 6 mois, nous avons réservé l'auditorium du Centre international de conférences de la Sorbonne Université situé sur le campus de Jussieu. Depuis, cet événement était préparé en concertation avec l'université. Tous les services concernés par l'accueil et l'organisation de cet événement au sein de Jussieu ont été associés à ce processus et nous avons reçu toutes les confirmations nécessaires pour lancer les invitations et engager la logistique de la conférence. Lors d'une énième visite préparatoire le 24 octobre, de nouvelles exigences sont apparues. Jussieu nous a demandé de réduire la visibilité de l'événement afin de ne pas perturber la vie du campus, de renoncer à des affiches et à des panneaux signalétiques. Le même jour, il m'a été demandé de retirer le mot « terrorisme », ce que j'ai catégoriquement refusé. Notre conférence portant sur ce thème, et je n'allais pas débaptiser le, là il met entre guillemets, « centre d'analyse du terrorisme ». En fait, c'est le centre d'analyse du terrorisme. Dans un souci d'apaisement, j'écrivais au président de l'université de Jussieu, Jean Chambaz, précisant que le dispositif mis en place et la sécurité de l'événement seraient conformes aux préconisations de ses équipes et qu'il ne perturberait pas la vie universitaire. Le même jour, le directeur des services généraux me remerciait pour ces éléments de nature à permettre le bon déroulement de votre manifestation sur notre campus de Jussieu. Pourtant, le 30 octobre, à 8 jours de la conférence, la chef de cabinet du président de Jussieu m'appelait pour m'informer de la décision nocturne du président, il était en Australie. Jussieu n'accueillera pas une conférence sur le terrorisme, le diktat était tombé. Elle prétextait des dysfonctionnements internes expliquant que ni elle ni le président n'étaient au courant de la conférence, nonobstant mon courrier au président et le fait qu'elle était en copie de mes échanges, indiquant aussi qu'un autre événement était prévu le même jour. Après moult protestations face à tant de mauvaise foi, le directeur de cabinet nous faisait savoir que cet événement était trop dangereux et mettait en danger la vie des étudiants, et que le président ne voulait pas prendre de risques. Il proposait donc de nous aider à trouver un autre lieu. Alors ensuite, s'enchaîne toute une série de discussions, ils vont finalement aller ailleurs. Alors... Dans une enceinte militaire. Voilà. Ils sont carrément allés dans une base militaire française. C'est-à-dire qu'ils ont dû replier toutes leurs équipes, donc du centre d'analyse antiterroriste, les experts européens de l'antiterrorisme, de la lutte contre le djihadisme, etc., ils ont dû se tirer pour se placer sous la protection de l'armée française parce que les universités françaises ne sont pas sécurisées. Alors, je dis, ça fait le lien, simplement avant de vous donner ça fait le lien avec ce qu'on disait, donc avec le coordinateur de l'antiterrorisme ou je ne sais pas quoi, qui expliquait, l'ultra-gauche, l'ultra-droite, les djihadistes, les antispécistes, les autonomistes, les machins, etc. En fait, ces cons-là, leur idéologie et leur modèle de société est en train de leur péter à la tête. Et ils sont les premiers étonnés. Oui, mais la liberté de culte, de religion, oui. Les races sont égales, etc. Non, tu n'y crois pas? Je ne sais pas. Non, mais c'est quand même énorme parce que... Vous savez, le truc, parce qu'en fait, entre Français, les politiciens, etc., les préfets, ils enculent à longueur de journée la population. Donc, on les intoxique, on convoque les journalistes, on passe des coups de téléphone, écoute, il ne faut pas raconter ça comme ça, pas ci, tout ça. Et on t'encule, on te bourre le mou, Avec les étrangers, tu ne peux pas faire le même numéro. Parce que tu n'as pas le même moyen de contrôle, tout simplement. Donc quand tu fais venir des mecs d'Allemagne, tu fais venir des mecs d'Italie, des mecs de Tchéquie, de Roumanie, les types ils vont raconter des machins dans leur pays après. Ils vont parler à leurs collègues, ils vont parler à des journalistes, etc. Tu peux pas contrôler ça. Donc en fait c'est beaucoup plus sensible. On peut toujours faire du damage control en France. D'accord ? Le système français passe son temps à le faire. Hein, le gouvernement, avec son système préfectoral, il passe son temps à faire du damage control, mentir. La politique française, ça n'est que ça. Ça n'est que ça. Du coup, c'est ce que je veux dire, c'est cet événement à l'université de Jussieu, c'est international, ça, c'est le truc qui va faire qu'à l'étranger, les mecs vont commencer à se dire « Putain, en France, il y a vraiment un très sérieux problème. » Et c'est pas normal. Parce que quand, je dis on fait du damage control, c'est quand vous dites mais en fait, il y a quand même vachement de bougnoules chez nous, ils ont l'air agressifs. Et là, les politiciens interviennent, les journalistes interviennent, mais non, c'est tout à fait normal, etc. Si vous vous plaignez, vous êtes raciste. Donc on t'explique que la normalité est normale. Avec ces gens-là, donc ces spécialistes, ils arrivent, tu vois, les mecs sont évacués en catastrophe sur une base militaire. Quand ils retournent dans leur pays, tu peux pas leur dire ce que vous avez vu, c'est normal. Parce que eux, ils restent sur leur impression. Ils repartent dans leur pays et ils vont raconter ce qu'ils ont vu. Et c'est là que les mecs vont commencer à dire non, mais en France, il y a un vrai problème. Chez eux, l'antiterrorisme, c'est pas juste de la théorie, quoi. Oui, c'est-à-dire que bon, quand notre ami, là, tout à l'heure, là, je sais plus comment il s'appelait, Florian de Mécouille et compagnie, il parlait des menaces d'ultra-droite et. Ouais, les petits blancs. Avec toute l'affection que ça comporte. Les petits blancs d'un côté et du califat de l'autre. Ah, il dit pas les petits arabes quand il parle du djihadisme, curieusement. Oui, bizarre. Oui, bon. Il y a une condescendance qui est autorisée dans certaines directions, un peu moins dans d'autres. Sans doute de la pudeur, peut-être. Je sais pas. Peut-être de la pudeur. Mais. J'aurais dit de la crainte, moi. Toujours est-il que ce ne sont pas les petits blancs qui font interdire des universitaires de s'exprimer. Sur des sujets aussi sensibles que le renseignement. Hein. En France, je rappelle que quand même la France possède l'arme atomique. Hein. C'est une puissance nucléaire. Donc, alors, je ne crois pas que la doctrine française prévoit de la balancer sur la Seine-Saint-Denis, ce qui fait qu'elle est un peu inutile dans le cas de figure. Ça peut changer. Mais tu as raison de dire que c'est un signal envoyé au monde. La personne en charge de comment dire. Cette conférence-là, c'est quelqu'un sur Twitter qui n'est pas un peintre, quoi. Hein. C'est un type déjà qui a reconnu, il a sa petite check bleue, là, sa petite blue check. Donc c'est quelqu'un qui fait partie du sérail, on va dire, et qui alerte, hein, sur un changement rapide de comment dire. De ce que la loi autorise. Et apparemment, la loi à Jussieu n'est plus la loi de la République. C'est la charia. Ou alors, c'est pas tout à fait la même République, peut-être aussi. Voilà, c'est peut-être. Oui, ce serait, je pense pas que ce soit la République islamique d'Iran, ce serait plutôt un émirat, quelque part, au niveau de la péninsule arabique. Oui, ce serait plutôt sultanat. Ça fait quand même écho à ce dont on avait parlé la semaine dernière, hein, de la gauche qui se tourne vers la Mecque. Hein, c'est ça. Tu t'en souviens, je pense. Oui. Voilà. Donc, il y a dans ces universités-là un poison. Disons que je pense qu'en gros, traduisons, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'accueillir des experts de l'antiterrorisme européen, puisqu'on est des terroristes. Non, c'est pas ça, c'est puisque la conférence devait concerner combattre l'extrémisme et le terrorisme musulman, je présume. Et le califat. Sauf que du point de vue de la population qui fréquente la faculté de Jussieu, le djihadisme n'est pas le problème, c'est la solution. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, ceux qui prétendent apporter des solutions apportent un problème. Donc, ils doivent être traités comme toute personne qui apporterait un problème dans une équation. Ils viennent de le découvrir. Je pense qu'il y a un certain nombre d'experts européens qui viennent de découvrir eux-mêmes qu'ils étaient plutôt du côté des problèmes que du côté des solutions. Je suis convaincu qu'en rentrant chez eux et en parlant à leurs femmes, ils ont fait part d'une certaine surprise, hein, de l'évolution de la société française. Et je ne suis pas certain que tout les coordinateurs de l'antiterrorisme républicain soient suffisamment convaincants pour expliquer à nos amis italiens, à nos amis autrichiens, à nos amis tchèques, à nos amis roumains, à nos amis polonais que ce qu'ils ont vu, ils ne l'ont pas vu. Oui, ça va être compliqué, je pense. Je pense que même nos amis américains qui, tout embourbés par les juifs qu'ils soient, En matière d'arabe, ils voient clair quand même, hein, je pense. Voilà, hein, oui, ils ont une myopie, mais d'un œil. Hein, ils sont pas aveugles. Ils sont myopes, mais ils sont pas aveugles. Ouais, voilà, ils sont semi-myopes. Mais... Ils sont borgnes. Oui, ils sont borgnes. Ils sont borgnes. Là, c'est quand même carabiné ces dernières semaines, là, ce qui arrive, hein, au niveau français. Le rapport à la con là, de l'autre buse. L'université de Jussieu qui. Proscrit carrément les événements qui émet un interdit, ma foi, en se basant, je pense, alors, sur les paroles en arabe, du prophète. En arabe, on appelle ça une fatwa. Hein. Ouais, c'est une fatwa. Le Jussieu est une annexe apparemment de l'université à Lazare, hein, d'Égypte. Donc voilà, nous avons un futur qui se dessine, une gauche qui se tourne vers la Mecque, des universités françaises qui émettent des fatwas. Des préfectures de police de Paris qui s'adaptent à un nouveau public. Voilà, et un problème qui est clairement défini, ce sont les Blancs, qui ne veulent pas, vivre dans ce paradis. Donc bon, je rappelle qu'il y a deux semaines, il y a eu... Oui. Une manifestation à Paris avec des dizaines de milliers d'Algériens en furie qui criaient Allah Akbar pour lutter contre l'islamophobie. Oui, simplement. Et pour se donner du courage, hein, rappelons-nous. Parce pour que... se don... Oui, c'est vrai, à l'origine c'était pour se donner du courage. Et quand on fonce sur les Blancs en bagnole, voilà. Effectivement. Non, mais je me permets de le rappeler à nos auditeurs. Il y a quelque temps après l'attentat qu'il y avait eu à Nice où. Permets-moi simplement de rappeler quand même que cette manifestation contre l'islamophobie était une réponse à quand même une ordure de Français qui avaient osé déplacer la présence d'une musulmane voilée dans un conseil régional. Quand même. Il faut juste rappeler qu'il y a quand même des Blancs qui se croient chez eux en France. Je veux dire. Encore aujourd'hui, en 2019, ça existe. Je veux dire. Ouais, je sais. Écoute, je... Bon. C'est pour mettre dans le contexte, c'est pour expliquer, voilà. Non, mais je pense quand même que tu es un petit peu... tu es bon, cher ami, oui. Mais je pense pas que ce cher Julien Odoul pensait qu'il était chez lui, il voulait juste sauver son anus. Mais les Arabes font pas trop la différence. Oui, non, mais je pense qu'il agissait par mode de enfin par instinct personnel, qu'il n'agissait pas du tout par altruisme envers les siens. Non, d'accord. On est en train de peindre en fait le tableau général et ces deux derniers mois, c'est vrai. Alors évidemment, nous on est dedans intellectuellement, je veux dire, mais vu de l'extérieur, quand tu fais des rapports de renseignement pour le compte du gouvernement slovaque ou le gouvernement américain, ça, tu dis, ouais, vas-y, il se passe des trucs. Ça donne ça. Effectivement, il y a une tendance générale qui se dessine, qui est très clairement le fait que la France va se convertir à l'islam. Hein. C'est, faut pas trop... Oui. Je pense que tu as raison d'évoquer ça, les services de renseignement étrangers. Je pense qu'ils feraient... Bon, ils devaient nous écouter, peut-être, mais c'est vrai que ils doivent se rendre compte au fur et à mesure de nos émissions que nous ne racontons pas forcément que des conneries. Hein. Disons que la réalité a tendance à ressembler de plus en plus à ce que décrit l'extrême droite. La réalité est raciste, j'ai envie de dire. Non, cher Pierrot, c'est une phrase de M. Askolovitch. Journaliste juif de gauche. Oui, qui déplorait que... Oui, qu'il déplorait, mais avec une... On sentait qu'il y avait quand même une... Oui. Non, je veux dire qu'il s'étonnait de manière tout à fait pas innocente que nous ayons raison sur absolument tout. Bon. Oui. Oui. Qui d'autre là-dessus? Ou on ne sait pas? Sale juif? Oui, sale bougnoule. Effectivement. Ça, c'est un bon consensus. Il y a au moins une conclusion sur ce qui a été dit, me semble-t-il, c'est que la République a déclaré la guerre à la France, à la vraie France. Ah oui, ça c'est... Oh, ça, oui, c'est... Enfin, oui, en tout cas, pour ce qu'il en reste, oui, oui. Oui, oui. Ah, mais il y en a encore qui n'y croient pas. Hein. Ah oui, il y en a encore qui n'y croient pas. À commencer par le Front National, d'ailleurs, qui n'a toujours pas compris la distinction. Eh oui. On va sauver la France avec la laïcité. Et les Juifs, hein, parce que... Et les Maoris. Et les Maoris. L'or bleu. L'or bleu, l'or bleu. Oh là là là là. Mais nous sommes milliardaires. J'attends une chanson d'un artiste, Madine Louis Alliot, pour nous vanter l'or bleu. L'or bleu des hommes. Et ils n'ont pas encore fait une quête, là, il faut donner de l'argent pour l'or bleu, etc. Tu sais, genre, sauver les pauvres de Mayotte. Sauver le corail. Hein, un truc comme ça, ouais. Et c'est une richesse exceptionnelle. Oh là là, oui. Oh, mais c'était quand même beau, les gars. C'est-à-dire qu'ils sont allés, tuer des vieillards, violer des vieilles, enfin, mineurs quand même. Bon, voilà. Non, en plus, c'est les parents t'expliquent, mais c'est mes benoîtement. Ouais, non, mais on les a dégagés de chez nous parce que ça pue de la merde. Quoi, hein. Même selon les standards maorais, les trucs étaient les derniers des rats, c'était même pas vivable à Mayotte, ils les ont envoyés en métropole. Ça, c'est officiellement, la France est officiellement la poubelle de Mayotte. Une poubelle. C'est la poubelle de Mayotte, je veux dire. Et l'extrême droite française, incarnée par Marine Le Pen, vitupère Macron parce qu'il ne déverse pas assez de milliards d'euros d'argent blanc sur Mayotte. Voilà. Est-ce qu'on peut ressusciter Adolf Hitler par hasard? Je pose la question. Alors oui, j'aimerais bien. Mais bon, enfin, au trait où vont les choses. Nous n'allons pas tarder à souhaiter que notre pays soit annexé par Haïti pour remettre de l'ordre. Parce que, vraiment, hein, les choses sont quand même, oui, ça, quand même ça assez délirantes. C'est ça. Non, mais c'est délirant. Même chez les nègres à Haïti avec... c'est des nègres assez particuliers en plus à Haïti. Même chez eux, tu... Je sais pas si on a ça. Il y a un semblant d'ordre, ouais, d'accord. Ouais. Oui. À la semaine prochaine, chers amis. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut.